sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. Vous parle sur Fun Radio. En même temps, vous avez déjà entendu un animateur radio qui ne parlait pas. Et dernier invité. D'accord. C'est rare. T'as dit quoi, excuse-moi, je... Thomas, En fait, il y a Barbet qui est en train de me troller. Il me dit, tu reprends, t'introduis Cardel et qui introduit Vince. Bon, les amis, attention, dernière ligne droite. Il y a Dimaro qui va prendre le contrôle des platines. Je vais vite monter sur scène là, pendant qu'il y avait des cas. Étant donné que j'avais promis qu'on allait prendre la température ici même du côté de la Grenouillère. Je vous rappelle, on est à hâte là. Il y a tous les jeunes, tous les étudiants de la région qui nous ont invités ce soir. Ça fait vachement plaisir. On est venus bah, parce que ça nous fait plaisir d'être là. C'est tous les jeunes qu'on a croisés, notamment à mon incroyable école, d'autres qui sont venus à la radio et tout. Donc on va vite monter sur scène à mon mic open space, les gars. Je vais passer le micro à Alan et il va prendre la température et vous parler. Ça va ? Ça va, ça va. Super, je vous le passe, c'est parti. Ok, très bien, merci. Allo Cardel ? Allo Cardel ! On a perdu Cardel. Cardel ? Est-ce que vous m'entendez ? Ah. Tout à fait, Bruxelles vous entend, la Grenouillère. Allez, en direct de la Grenouillère. En direct de la Grenouillère ? Bon, attends, parce que là, le patron est en train de partir. Vous seriez pas DJ Cardel, par hasard ? Exactement, DJ Cardel. Alias DJ Cardel. Il est malin, le petit, t'inquiète. Alias DJ Cardel, seulement DJ Cardel. Voilà, bon, là il est en train de partir. Hein. Ok. Il a mis deux casques sur les têtes, par contre, je comprends pas pourquoi. Un pour le retour et un pour écouter ce qui se passait. Voilà, non mais j'en ai plus qu'un, c'est bon, c'est mieux comme ça. Ok, très bien. Il se passe quoi ? Donc, en gros, voilà, il vient de monter sur scène là. Là, il va voler le micro MC, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Il va encore chourer. Ouais, c'est ça. Voilà, il vient de prendre le micro. Là, il y a une ambiance de dingue maintenant. Franchement, il y a une ambiance de folie ici de dehors. On l'entend. L'intérieur s'est vidé. Vous l'entendez vraiment ? Ouais. Non, on l'entend de loin. Si, il y a one, two, one, two. Ouais, on l'entend de loin quand même. Ok. Bon, là, il est en train de prendre le micro. Là, il fait le test. Est-ce que tu m'entends, Vince ? Vince, est-ce qu'il t'entend ? Non, on l'entend pas. Vous l'entendez ? Ouais. Ah, c'est bon. Alors les amis, on a fait le message, on met toutes les barres en l'air avant que Dimaro prenne le contrôle. Vous entendez bien ou pas ? Ouais, ça va. Est-ce que je vais au milieu de la foule ? Je voudrais vous remercier tous ici présents. Je m'appelle Vince, tous les soirs sur Fun Radio et je voudrais vous dire un truc. C'est que maintenant, il y a toute la Belgique qui vous entend en direct sur Fun. Et juste pour montrer que vous êtes super chaud dans la région et encore une fois, merci de nous avoir invités, merci pour la saison. Je voudrais que tout le monde, dès que je lève la main, que tout le monde fasse un maximum de bruit pour toute la Belgique. On aille sur Fun Radio dans les grandes têtes. Attention, on y va! Encore plus fort, fait du bruit! Merci à tous, merci tout le monde. Attention, la soirée n'est pas terminée, on continue jusqu'au petit matin. Les filles, faites du bruit! Pas mal de filles, hein? Ah, il n'y a pas de mecs apparemment. Vince veut pas les mecs. Ouais, il fait que les filles, Vince. Moi, je crois pas qu'il va rentrer seul. Bien connu. Il va pas rentrer seul. Ouais, mais il a raison. Bon, là, il vient de prendre les platines quand même. Hein. Non. On comprend pas pourquoi. Ça va. Il a fait de blague en fait. J'ai cru. On va vous laisser là alors, les amis. Voilà, là, il y a Vince qui revient. Je sais pas si vous entendez. Vous l'entendez ou pas? Oui, il mixe. Non, il mixe pas. Si. Par contre, il a... Non. Ah, il mixe. Ah, tu vois, je connais le patron, moi. Dès qu'il voit une platine, il est obligé de courir, quoi. Ah, il est obligé, quoi. Il ne s'arrête jamais, hein. C'est un fou, hein. Voilà, le patron revient. Ah, voilà, il est là. Voilà, je suis de retour, les amis. Est-ce que vous me recevez? Oui, parfait. Ah là là, est-ce que vous avez entendu le bordel qu'il y a ici, là? Oui, on a entendu. Hey, j'ai mis 10 ans pour revenir ici au studio, c'était quand pas même mal. Galère. Attendez, alors avant Mike Gomez-Mess, il y a un auditeur, t'appelles comment? Je m'appelle Quentin Wattier. Ok, qui a un bon nom de famille et tout, Facebook, allez, on y va. Ça va, Quentin? Nickel, Yves, toi? Ça va, et t'amuses bien plus à ta l'heure, toi, purée. Ah bah, je m'amuse nickel, franchement, c'est la meilleure soirée. Je ressors de l'hôpital, c'est nickel. Attends, frangin, rassure-moi que t'es pas malade. Attends, je recule. Rassure-moi, t'as pas attrapé une maladie de ouf. Ok, ah il s'est déboîté. Ah t'es déboîté l'épaule dans un festival, bon bravo. Bon, tu veux que je te signe ta casquette, je fais ça, pas de soucis. Je vais faire ça après, pas de problème. Bon les gars, je le contrôle plus parce que plus que je suis monté sur scène, c'est vraiment, il y a une file de ouf. Bon, on va y arriver, on va la gérer. Je voudrais remercier vraiment tout le monde. La raison pour laquelle on est venu aujourd'hui, beaucoup de jeunes de hâte, au-delà de hâte, les signes et tout ça, qui ont absolument voulu qu'on vienne. Ma grâce, mon incroyable école. Et depuis tout à l'heure, c'est compliqué de gérer l'émission en même temps de voir, de croiser tout le monde. Et je trouve ça magique. Voilà, on a essayé de faire la radio dans un gros délire. Merci à Kaufman pour l'assistance ce soir. Merci également au François Zich. Merci Dr. Roger d'être venu. Merci pour Radio Standard. De rien. Donc voilà, et je vois déjà qu'on est vachement à la bourre de ouf. Oui. Les amis, je crois qu'on a Mike Obispo qui est là. Allo Mike, est-ce que tu veux? Bonsoir Vin, ça va bien? Il y a du bruit derrière toi. Ça va et toi Mike? Ouais, il y a une ambiance de fou. Pas que ça. Putain, c'est galère. Ouais, mais c'est assez galère. Mais c'est pas grave, c'est cool, ça fait plaisir. Bon Mike, quoi de neuf? Eh ben écoute mon Vince, avant-dernière de la saison, ce soir on va foutre le bordel plus que jamais. Je ne sais pas quoi faire pendant l'été. Je voulais en profiter. Il y a Barbe et Kaufman qui vous cherchent un stagiaire pour l'été. Je suis disponible. Ah, c'est possible. Je vous envoie lettre de motivation, CV, tout ça, il y a pas de souci. On voit. Les amis. Bon mon Vince, à demain, on se voit demain. Bah, à demain Mike. Et puis une bonne nouvelle pour toi, il paraît que t'as une standardiste ce soir. Ah, tu me laisses Coralie? Eh bah écoute, ouais. Ah bah on voit que c'est la fin de saison. Par contre, c'est vrai qu'ils sont en froid, donc je suis en froid avec Coralie. Mais je sais pas si vous avez entendu, hier je l'ai appelé à l'antenne. Ouais, elle m'a insulté de fou. Ouais. Ça va Coralie? Vu la manière dont elle regarde, ça va pas. Mais bien. J'ai une surprise pour elle. J'ai une surprise de fou demain dans l'émission. Je ne te dirai pas, j'essaierai de pas griller la surprise Coralie, mais ce sera demain dans l'émission pour la dernière. Un truc de fou, ça y est, j'ai 23 ans. Voilà, Vince, j'en parlerai demain. T'as 23 ans? Ouais, attends, non mais ça y est, j'ai 23 ans, donc il est temps de... Enfin, ouais, je vais pas griller la surprise. Il est temps de quoi? Je vais pas griller. Attends, deux secondes. J'ai raté un truc. Lui, il va la griller, c'est mon anniversaire. Surprise, je te le garantis. Mais non, c'est pas mon anniversaire. Je t'expliquerai demain. Ouais. Eh ben, rendez-vous tous demain sur Fond Radio, je suis très curieux, tiens. Bon, bisous, voilà. Mike. Bisous, mon Vince. À demain. Non, c'est pas mon anniversaire. Mais je t'expliquerai demain. Ouais. Eh ben rendez-vous tous demain sur Fond Radio, je suis très curieux, tiens. Bon, et bisous, voilà. Mike. Bisous, mon Vince. À demain. 23h. La journée se termine. Vos paupières sont lourdes. Infiltrez chaque rue. Encore. Vous soyez la nuit. Le fait. 5 jusqu'à 2h du matin, avant-dernière de l'Open Space. Il reste deux émissions avant la fin de la saison. Deux émissions pour foutre le bordel dans toute la Belgique. Où vous soyez actuellement, on vous big up à Jean Blou, vous nous écoutez, 89.2 c'est la fréquence. Big up à tout Liège qui vient connecter là. J'ai reçu plein de messages là de Liégeois, de Liégeoises qui sont connectés là pour l'avant-dernière. En force. Ouais, en force. Il y a Mons qui est connecté ce soir, Namur, Nivelles, Sambreville, Soigny, à Tournai, vous êtes là aussi, 97.4. À Hatt, la fréquence à Hatt, Jonathan. La fréquence à Hatt, c'est le. Attends, si je me rappelle bien, c'est 95.4. Bonne réponse. Ah. Arlon, Zezel. Alors, c'est 107.2 si j'ai bon souvenir. Non, 107.5. Eh, t'es pas loin. Eh, t'es pas loin. Pas mal. Louvain-la-Neuve aussi, on vous big up, Warem. Toute la Belgique en entier, ramenez-vous. D'Arlon à Tournai, venez foutre le bordel, les amis. On est ravis d'être là, ravis de vous retrouver pendant encore 3 heures de conneries à la radio avec plein de choses à faire sur Fun Radio. Il y aura le son de Benny Benassi, Chris Brown pour attaquer l'émission. Paradise dans 5 minutes. Et si y a un son que vous voulez vous écouter, vous m'en faites la demande au 3044, hein, c'est vous qui faites la programmation musicale de cette émission. C'est 50 centimes par message. Bonsoir Jonathan, comment Bonsoir. Ça va? La journée s'est bien passée? La journée s'est bien passée, j'ai été me chercher une nouvelle petite chatte. Ouais. Ouais, j'ai vu ça. J'ai deux chattes du coup. Voilà, voilà. Il a adopté un petit chat tout blanc, un petit chat tout mignon. Ouais, parce que Chanel elle était déjà noire là du ouais, coup. Ouais, c'est vrai que t'avais une chatte. J'ai adopté Coco. Voilà, comme ça Coco Chanel. Exactement. Là, le mort de rien. On fait dans l'innovation. T'es cocasse toi, hein, t'es perspicace. Un truc de dingue. Tu vas aller bosser chez Guillaume Play, tu vas te casser. T'as pas emmerdé celui-ci. Bon, tu la ramènes demain ta nouvelle chatte? Eh ben je vais la ramener demain au studio, ouais. Bah, très bien. Et tu sais quoi, j'aimerais bien qu'on fasse les pronostics du loto-foot avec ton chat. Ok. Je sais pas, on met de la bouffe pour chat d'un côté, la bouffe pour chat de l'autre, avec les deux équipes de chaque côté, et on voit quelle bouffe elle mange. Ok, par contre. Ça, on peut faire le pronostic comme ça du loto-foot. En ce moment, elle a la gastro, donc si elle chie dans les studios, est-ce que ça cause un problème? Non, mais c'est vrai. Non, c'est match nul. D'accord. Ça veut dire match nul. Bon, il y a Zezel qui est là aussi, l'homme de l'ombre, qui répond et qui vous rappelle si vous vous inscrivez au 6322, vous commencez par MIKE pour jouer. Avec nous, bonsoir mon Zezel. Et bonsoir. Y'a un truc à signaler sur la journée? Ah ouais, franchement que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Ah vas-y raconte. C'est bien le seul. Ah ouais, t'as trouvé du taf pour la saison prochaine? Non pas spécialement. Enfin ouais, j'ai été accrédité, hein. Tu m'as accepté pour la prochaine saison, hein. Oui, mais moi on m'a pas accepté. Donc frérot, j'en sais rien. Voilà, moi je t'accepte. Je t'accepte. Si tu veux, on ira au balto, on se prendra on se bourra la gueule tous les soirs, écoute mon Vin. Mon Zezel. Non, aujourd'hui la bonne nouvelle en fait c'est que j'ai mon snack qui ouvre demain. Ah oui, c'est vrai que tu gères un snack aussi, ouais. À Place Mézières, c'est ça? À Place Mézières, chaussée de Louvain 503. Est-ce qu'on va pouvoir offrir des menus pour les auditeurs demain pour la dernière là? Ouais, on pourra leur genre, faire. Genre toutes les personnes qui vont dans ton snack et qui disent Mike Open Space, c'est menu complet, c'est le do room complet, sauce de choix et boisson du choix. Boisson de son choix. Ouais, je vais essayer de négocier ça. Tu me négocies ça pour ça demain. Ça peut se négocier. Tu vas le mettre en faillite dès le premier jour d'ouverture. Ah, mais j'en ai rien à foutre. Ah, tu me mets ça pour demain, mon gars. Non, ils nous disent Mike Open Space et on fera un geste. Mais très bien. Ils disent Mike Open Space. Non. Mike Open Space, on offre le menu. On offre le menu, la boisson, les frites, tout ce qu'il faut. En sachant que le geste est un fist fucking, donc. Non, mais allez, frérot. Bon, tu me gères ça pour demain, ça va, Zezel. Ouais, je vais gérer ça. Bon, je compte sur toi, Zezel. Demain, on vous offrira des menus. Il s'appelle comment le nouveau snack Place Mézières? Master Frites. Ah, d'accord. Ouais, je sais bien. Master c'est les frites traditionnelles, hein. Avec au casserole Master Beat qui est là. Ouais. Zezel, comme on l'appelle dans les couloirs du Fun Radio. Voilà, il y aura de la bonne vanne ce soir dans l'émission. Ah, ça va décoller. Bonsoir. Ah ouais, ça va bonsoir. C'est la première fois qu'on se reparle calmement depuis ce week-end. Bonsoir Coralie. Bonsoir Jonathan, bonsoir Zezel. Oui. Bonsoir Coralie, ça va? Attends, c'est déconné quoi. T'as passé un bon début de semaine. Ta gueule, c'est moi l'animateur. Ouais, je sais, elle m'a dit bonsoir. Parle pas à mon ex comme ça. Bon, ça va bien Coralie? Ça va et vous? Ouais, ça va et toi? Mais pourquoi tu me regardes pas? Regarde-moi quand tu me parles s'il te plaît. On s'est appelé hier, pourtant au téléphone en fin d'émission. Ah, merde. Je viens de griller qu'elle était à l'antenne. Oui, bon, t'étais à l'antenne hier. De toute façon, t'avais écouté parce qu'il y a des auditeurs qui t'ont balancé. Oui, j'avais écouté. Bon, bah voilà, alors tu sais que je t'ai appelé hier et que t'avais l'air plus calme. Et je sais pas pourquoi t'es énervée encore aujourd'hui, Coralie. Parce que je suis encore fâchée. Mais j'ai une surprise pour toi, t'as entendu? Bah oui, bah c'est demain la surprise, c'est pas aujourd'hui. Non, parce que ce sera demain pour la dernière. Eh ben c'est demain, c'est pas aujourd'hui, donc aujourd'hui je suis oui, encore fâchée. Mais c'est demain, et à partir de demain, Coralie, c'est pour la vie. Sache-le. Je ne t'en dirai pas plus. Ah. Non, mais là t'as déjà trop dit, je crois. Hein. Ah ouais? Ouais, je. On emménagera, on va pas emménager ensemble, Mike. Non, hors de question. Bon, très bien, Coralie, Zezel, Jonathan, tout le monde est là, vous tous et vous toutes en direct au 02 851 4x0. En plus, Coralie, je sais pas ce qu'elle a en ce moment, mais elle me fait que des reproches. Elle m'a reproché de pas me souvenir des dates. Ah ouais? Ça va être sympa demain pour la Saint-Valentin. Attends. Donc, on parle. Ouais. Et je dis ouais, c'est quoi la date de mon anniversaire? 12 novembre. Oui, maintenant il le sait, mais il disait rien hier, il savait pas, parce qu'après l'émission il m'a rappelé ce blaireau. Il ne savait pas ma date d'anniversaire. Le 12 novembre, je sais très bien, et je connais toutes vos dates d'anniversaire. La date d'anniversaire de Jonathan, tu la connais par cœur? Oui, mais c'est le 4 janvier, c'est facile à retenir. fous de ma gueule ah, ou quoi? C'est facile, c'est juste après les fêtes. Et moi, c'est juste après l'armistice. Et celle de Zezel, c'est en février. Ouais. Et c'est le 11. Non, un peu plus tard. 18. Non, quand même encore un tout petit peu plus tard. Bah dis-moi Le 24, le 24. Ah, le 24. Tu te souviens parce que tu m'as offert en plus. Si, je t'ai offert une, on t'a offert une prostituée à l'antenne. Ouais. Que tu n'avais pas le droit de toucher d'ailleurs. On avait, ouais. on avait demandé expressément à la prostituée. On avait dit ok, je vous paye 50 euros, mais vous le frustrez. Vous le chauffez, mais ouais. vous ne le touchez pas. Ouais, j'ai même essayé de toucher. Hein. Comme, quoi, je sais, frère. Comme quoi, toute l'année, on a vraiment fait des happenings de malade. Hein. Et tiens, d'ailleurs, dans quelques instants, il y aura Sandro qui sera en direct avec nous. Là, Sandro qui veut faire un petit bout de l'émission avec nous, comme il nous reste que quelques émissions. Ah, il est là, Sandro. Non, il est pas là. Il va arriver dans quelques instants. Il est en direct du club Bellambra là, dans le sud de la France, avec, puisqu'il est, il fait Ivan et la tribu et la Pio Rodré. Donc, il sera avec nous. Voilà, il voulait faire un petit bout. Je lui dis viens, frérot, c'est la famille. Il y a Lara qui est là, 20 ans à Nivelles. Bonsoir, Lara. Hello, Lara. Bonsoir. Ça va, Lara? Ça va et vous? Ouais, ça va tranquillement. Lara, tu fais quoi de beau? T'as fait quoi aujourd'hui? Rien, c'est ça. C'est une journée assez bizarre. Ouais, pourquoi? Rien à faire en fait, pas comme d'habitude. D'accord, donc c'est une journée claire. On va répondre par oui ou par non. Si on trouve, t'as du cadeau. Ok. Alors c'est quoi l'indice? Donc en fait, je suis fan de Justin Bieber. Je suis une grande fan. De ouais. Justin? Ouais, de Justin Bieber. Justin! Oui. J'en ai que Chris. Et en fait, je viens de me ruiner pour lui. Et vous pensez que j'ai dépensé mon argent dans quoi? Ah d'accord, vous n'avez pas compris, elle est fan de Justin Bieber, elle a dépensé plein de thunes pour lui aujourd'hui, mais il faut trouver dans quoi elle a dépensé ses thunes. Voilà. Un truc en rapport avec Justin Bieber, ok, on va essayer de trouver ma chérie. Oui. Ne bouge pas, ok, okay Lara. Il y aura peut-être okay. du Justin, tiens, pour toi Lara et puis pour tous les fans, toutes les fans de Justin Bieber avant 2h du matin, hein, pourquoi pas caler dans l'émission. Si y a un son que vous voulez vous écouter, vous m'en faites la demande. Vous pouvez la faire par SMS au 3044, 50 centimes par envoi ou gratuitement sur le Facebook de l'émission. On vous attend là, venez rejoindre la communauté Open Space. Vous tapez Mike Open Space, voici Bene Benassi et Chris Brown sur Fun Radio, c'est Paradise. Bienvenue tout le monde, Libertad, deux émissions avant la fin. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Now will you remember? Remember me when I'm gone. Remember the heat, yeah. That's keeping you warm, saying fire. Now we're burning up, not over. Yelling, turn it up, let go. La famille, voilà, t'inquiète, ou chaud, trop tard ici. Un blanc d'or. On the other side, where it's alright. Merci d'avoir choisi Fun Radio 23h17 en direct. Différent de tout ce qui se passe ailleurs à la même heure sur la bande FM, il reste deux émissions avant la fin de la saison, les amis. Deux émissions pour foutre le bordel. 02 851 4x0, on vous attend, c'est l'Open Space. Toute une génération pour foutre le bordel. Mike Open Space. Mike Open Space, le soir sur Fun Radio. Tout va bien, on est là en direct, ouais, sur Fun Radio. Tiens, il y a la famille Fun Radio qui se réunit. Il y a Oli de Party Fun qui est venu nous voir dans les studios. Ça va bien, mon Oli? Ce qui me fait, je suis pas là mec, hein, tu me fais pas parler. Voilà Oli. Si t'écoutes un peu l'émission, tu saurais que. Et si t'écoutes un peu aussi les patrons, tu saurais que je fais jamais ce qu'on me dit. Voilà, merci Oli, c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation de merde d'ailleurs. Il y a Matt Houston qui arrive dans quelques instants sur Fun Radio. Avec P-Square, le classique qui fait plaisir. Positif. Tiny Tampa aussi de caler tout à l'heure. Plein de choses, plein de conneries à faire ensemble les amis. Tout à l'heure il y aura le loto foot. Et c'est derrière la dernière chance pour faire évoluer le classement, Jonathan, du loto foot. Et je rappelle que le co-animateur qui sera premier du loto foot choisira la désignation de son choix. Je paierai tout pendant une journée. On mettra tout ça sur le Snapchat de l'émission Mike Open Space. Vous pouvez nous rejoindre pour découvrir les coulisses et vidéos de l'émission. Tiens, salut aussi, c'est la famille Fun Radio qui se réunit là pour la dernière. Ouais. Il y a Sandro aussi qui est en direct du club Bellambra. Comment ça va frérot? Hello Sandro. Comment ça va les gars? Ça va bien, putain, on t'entend bien. Eh ben bien sûr, là c'est le niveau high level ici, on est à Bellambra, à Seignos, il fait super beau. J'ai l'impression d'entendre Nelson Montfort. Et alors c'est donc 2-0 pour monsieur Nadal, voilà. Je suis déjà assez dans la merde comme ça, tes vannes tu les fais dans la pure, d'accord? Et ça va, je t'emmerde. Hein. Ce qu'il y a, c'est que dans toutes les émissions Fun Radio, ils reçoivent Ira et Streffy, ils ont, je sais pas, Franck Dubosc et tout. Et là, on a Sandro de la Power. On a un level quand même. On a un invité de ouf ce soir dans l'émission. C'est ça, donc Sandro, ça se passe comment, ouais, Bellambra? Vous pouvez pas un peu m'applaudir là? Un peu, parce que là. On n'est pas dans le big deal, désolé. Ça se passe comment, le club Bellambra? Ça se passe bien? Non, ça se passe bien, on est super bien accueillis, il fait vachement beau, ouais. Et vive la France, j'ai envie de dire. Bah ouais, bah très bien, bah vive la Belgique aussi qui joue en quart de finale vendredi ouais, contre les Pays de Galles. Eh frérot, exactement. Bon, tu vas faire un petit bout de l'émission avec nous, d'accord? T'es là en co-animateur, exactement, tu quand tu veux. C'est ça, parce que demain c'est votre dernière et du coup je vous laisse entre vous pour votre dernière. Et là je profite avec vous, surtout que je te l'avais promis en fait Mike de passer une tête dans l'émission avant la fin d'année. Mais fallait pas te sentir obligé Sandro hein. Bah si, en fait la direction m'a un peu obligé, donc du coup bah voilà, je suis là. Non, je déconne. Tandis ils sont un peu tristes en ce moment, faut y aller quoi, faut les consoler. C'est ça. Bon Sandro, essaye de nous choper Audrey là, tout ça, Evan, j'en ai une là. Et Evan il dort et Audrey elle est partie pécho Fab. Enfin voilà, je dis ça, je dis rien, mais... Encore des ils sont, en fait, ils sont partis se balader sur la plage, mais connaissant Audrey avec son sens de l'orientation, je suis pas sûr que demain il y aura émission. Je dis ça, je dis rien. Attends, Audrey est partie sur la plage? Ouais, c'est ça. Appelez-moi Greenpeace qui la confonde pas avec une baleine. Non, je plaisante. Et Audrey, on l'embrasse. On lui fait des gros bisous à Audrey. Elle sera de retour demain. Ouais, mais appelez quand même Greenpeace, hein, s'il vous plaît. Bon, Lara est avec nous. 20 ans à Nivelles, Lara. Ouais. Re-Lara. Lara. Fan de Justin Bieber, Lara. Salut, Lara. Bon, tu connais Sandro de la Power, tu connais tout le monde? Oui, c'est vrai. Et tu es fan de Justin Bieber? Ouais, c'est ça. Et personne n'est parfait. Oh mon dieu, quelle horreur! Non, arrêtez, Justin Bieber, c'est super bien. C'est pas une horreur, c'est non, pas c'est horreur. Super bien, Justin Bieber. Et tu m'as dit que tu venais de te ruiner pour lui. Baby. Excuse-moi, tu comptes me niquer mon émission en fait, c'est ça? Excuse-moi. Quel relou de mine. Tu vas passer au shitotest dans quelques instants, Sandro. Au quoi? Au shitotest. Qu'est-ce que c'est que ça? Excuse-moi, j'ai jamais écouté ton émission. Ouais, bah je vois ça. Je vois ça parce que le shitotest, on le fait tous les soirs depuis le début de la soirée. Depuis le début de l'année. Excusez-moi, qui êtes-vous d'ailleurs? Tu me casses les couilles, Sandro. Comme quoi, il est vraiment pas marrant. On se posait la question depuis des années, mais on a la réponse en fait. Il est pas drôle. Voyez une bonne ambiance à Fun Radio. Lara, donc tu m'as dit que t'avais dépensé toute ta thune pour Justin Bieber aujourd'hui. Il faut qu'on trouve dans quoi t'as dépensé ton argent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Deux minutes pour poser des questions. Sandro, tu vas jouer aussi. On peut poser des questions à Lara. Et Lara, t'as le droit d'y répondre par oui ou par non chez vous à la maison au 3044 si vous donnez la question qui permet de trouver la bonne réponse. Cadeau pour vous. Et Lara, si on trouve, cadeau pour toi aussi. Vous êtes prêts? Ouais. On est parti, 2 minutes top chrono. Sandro, c'est des places de concert ? Non. T'as débloqué tout ton fric pour payer sa caution pour pas qu'il aille en tôle. N'importe quoi, 450 euros, zézel. C'est 450 balles. Est-ce que tu as acheté un coffret spécial collector dédicacé et tout le bazar ? Non. 450 balles, c'est une blague. T'as acheté une de ses mèches de cheveux. Sandro. Non. Sandro. Ouais, c'est nouveau God qui va commercialiser là, non ? Ah bon ? Il va commercialiser un God. Bah comme quoi ouais, il j'ai pas vu. Je sais pas, vous avez pas vu l'info ? Ouais. Bah ça s'appellera Souris apparemment la marque. Je sais pas, Lara, t'as acheté genre une figurine collector ? Non. Il vous reste une minute 30-44 pour trouver. T'as acheté un de ses caleçons, Coralie. Tu peux dire un indice ? Non, ouais, donne un indice. Tu dois répondre par oui. Tu dois répondre par oui ou non. On nous dit des biberons, des tututes ou des couches. Non. Elle a acheté des supras. Non. Des gels douches, on nous dit. Non. Ça, non. Des parfums, on nous dit au 3044. Ouais, des gels douches, je pense pas que acheté... pauvre, hein. Ouais, c'est ça. T'as acheté des vêtements à Bieber, genre une casquette ou des pompes ou j'en sais rien. Presque, non. T'as fait le même tatouage que lui ? Enfin, non, c'est tatouage. 34, t'as acheté. Posez votre question. T'as acheté un slip collector de Bieber ? Non. Elle a acheté des baskets, on nous dit. Non. T'as trouvé Selena Gomez, c'était une pute et tu l'as payée. Arrête. Non, du tout. Est-ce que tu as payé pour participer à un concours ? Il vous reste 20 secondes avec lui. Non. T'as acheté une housse de couette ? Non. T'as acheté du sperme ? Non, mais tu crois vraiment que Justin Bieber aurait mis son sperme en vente ? Bien sûr. Non, mais sans déconner. Sandro, t'as acheté une chaîne ou un bijou à lui ? Non. Un bracelet ? Mais putain, mais y'a rien. Non. Et c'est fini, personne n'a trouvé la bonne réponse. Tu vas nous la donner, ma chérie. Vas-y, Lara, explique-nous. C'est dommage pour toi. Donc, en fait, je vous explique ce que j'ai acheté. J'ai craqué sur un chapeau que j'ai vu sur eBay, que Justin Bieber avait porté, et je l'ai acheté à 450 balles. Ah ouais, 450 euros le chapeau ? Un chapeau ? Ouais, parce qu'il l'a porté, il a juste mis sur sa tête. Mais ça te fait quoi ? Ça te fait 10 euros la pellicule ? C'est un peu cher quand même. Oui, sans déconner. T'as confondu avec Pharrell Williams, hein ? Je sais pas, mais Bieber il met jamais de chapeau. Hein. Ouais, c'est vrai. Et t'es sûr que c'est un vrai chapeau à 450 euros ? Bah oui. Mais t'as la preuve. C'est un chapeau de paille en fait. Ouais, t'as la preuve qu'il a vraiment porté parce que. C'est ça. Bah oui, j'ai la preuve. Non, mais ça peut être une imitation aussi. Ah non, une imitation Bieber. Et t'en as fait quoi ton chapeau ? Tu l'as accroché au mur ? Bah je l'ai accroché au mur au-dessus de mon lit. Mais c'est génial. Ce que t'aurais dû faire, c'est t'aurais dû carrément accrocher Justin Bieber, mais on s'en fout, hein. T'aurais dû carrément accrocher ouais, ton mur. Ouais, mais c'est impossible ça, si je pouvais. Non, la valeur c'est pas. Pareil hein, par contre. Hein. Ouais, c'est ça. Espèce d'enculé. Non, mais d'ailleurs. Il vaut aussi 450 balles. Pour ceux qui veulent faire pareil, mais qui n'ont pas les moyens, sachez qu'il y a le Bob de Patchy de la Starac qui est disponible sur deuxième main. Donc, allez-y, ça peut servir. À combien ? Est-ce que vous avez déjà fait des trucs de fou pour vos idoles ? Jonathan, t'es fan de qui, toi ? Bah, je suis fan de personne, mais j'ai fait un truc quand j'étais gosse. Il y avait genre ma meilleure amie qui était fan des Tokyo Hotel. Et on avait été. Écoute, avec Bill, il est parti avec Amel Ben viser la lune, on n'a plus de nouvelles. Et j'avais été devant l'hôtel de Conrad avenue Louise, et en fait j'étais le seul à avoir une vidéo, enfin c'était un selfie même avec Bill, etc. Et donc après je l'ai posté sur Dailymotion et j'ai fait des centaines de milliers de vues et tout. Donc voilà, c'est. Oh, quel homme. T'avais déjà un gros boulard à l'époque, hein. Ah, toujours. Effectivement. Toujours fille de malade. Sandro, t'as été fan de qui toi, tiens ? Non, moi j'ai fait un truc de ouf, les gars, mais genre le truc de ouf, de dingue. Ouais, c'est à la sortie d'un concert. La sortie de van. Non, je suis sorti du concert et j'ai acheté un poster. Putain, pourquoi ouais, je lui ai dit de venir faire l'émission, Asia, sans déconner. Je sais pas. Bon, bouge non, pas, Sandro, toute la Belgique, bougez pas. Et encore une bonne idée. Lara, eh ben, je te laisse avec ton chapeau. Et comme c'est la fin de saison, je te gère aussi un pack fun, ok, ma chérie ? Ok. A bientôt, merci. Lara. Bisous. A plus tard. Bisous. Non, raccroche pas, je te repasse Coralie au standard. T'as pas l'info, mec, c'est ce qui arrive avec Jonathan. Oui. T'as sélectionné des informations inutiles, exact. Tu nous donnes le début. Non, elles sont pas inutiles. Et à vous de trouver la fin. Des informations insolites, pardon, sur ouais. Internet. Tu nous donnes le début, à vous de trouver la fin. Moi, j'ai dépensé 1840 euros pour le prochain concert de Bieber à Anvers. Il y aura un meet and greet, on vous dit. Putain, 1840 euros pour rencontrer Justin Bieber. En plus, tu vas voir, il va planter au dernier moment. Il va alors que je suis sûr qu'il va venir à Fun Radio, on vous gérera les rencontres, etc. Sans déconner, dépensez pas 1840 euros pour le concert de Justin Bieber. Bon, c'est même pas où c'est Fun Radio. Mais si, c'est où c'est Ils ont GPS, les Anglais ? Enfin, il est américain. Enfin, il est canadien en fait. Mais Ouais, il est canadien. Il parle anglais. Un peu. Il parle anglais. Bon, Guillaume, c'est le prochain. Bonsoir, Guillaume. Salut, Guillaume. Bonsoir. Ça va, Guillaume ? 20 ans à la Louvière ? Ça va bien, vous ? Ben ouais, tranquille, 107.3 la fréquence pour nous capter à la Louvière. T'as fait quoi de la journée, Guillaume ? Rien de spécial, j'ai dormi. Ok. Cool la vie. D'accord. Tu bosses pas, Guillaume ? Tu cherches du taf ? Ouais, je cherche du taf. Dans quoi ? J'ai pas vraiment de domaine, je prends tout ce qui vient. D'accord, ok, bah t'as raison. Ça s'appelle une cut, ça, hein, prends tout ce qui vient. Arrêtez, putain. Surexcité ce soir. Au calme, 5 secondes s'il vous plaît, sinon je vais sortir mon bâton. Ça va être, je crois que t'as confondu avec ta sœur. Ah. Oh. J'ai pas de sœur. Hashtag radio répartie quand même. Guillaume, tu t'es inscrit à un jeu télé, c'est ça, et t'as été recalé. Ouais, c'est ça. Tu veux en parler dans quelques instants, c'est quel jeu télé, Guillaume? Une famille en or. Tu t'es fait recaler à la famille en or? Ouais. C'est drôle ça. Sans déconner. Bon, bouge pas, on en parle dans quelques instants, Guillaume. Dites-moi s'il y a des jeux télé comme ça que vous kifferiez faire. Jonathan, je vais te poser la question juste après le nouveau le son de Matt Houston sur Fun Radio aussi. Positif. De ne pas briller, briller. Ne laisse pas tomber. Oh non, ne laisse pas tomber. Même si dans la vie les choses sont dures et que c'est la détresse, si la crise progresse, c'est qu'on laisse les mauvais gouverner. Tu dois faire les bons choix, le Saint-Père fera le reste. Même si t'as pas beaucoup de money, pas besoin de l'amour qui nuit. Laisse ceux qui ont besoin de ça, l'ami, pour pouvoir exister. Toi ma jolie, les femmes sont fortes aujourd'hui. Si tu tombes, tu te relèves again. Tu réessayes again, again and again and again. Faut pas oublier. Restez positif dans vos têtes. Faut pas oublier. Ma brother, ma sister, même si c'est pas easy. Restez positif dans vos têtes. Faut pas oublier. Papa t'a dit de ne pas plier, plier. Pour défler, il faut danser. Faut écouter, c'est le remède qui te remonte illico. Alors que dis-tu tenir le tester? Oublie tes problèmes et viens donc me follow. Ouais, c'est si easy, c'est si easy. Même si t'as pas beaucoup de money, pas besoin de l'amour qui nuit. Laisse ceux qui ont besoin de ça, l'ami, pour pouvoir exister. Et quant à toi ma jolie, les femmes sont fortes aujourd'hui. Si tu tombes, tu te relèves again. Tu réessayes again, again and again and again. Start like play play for France. We don't dey throw away. So make una seriously lay. Try for my business, yeah. And make we dey try to dey rejoice, yeah. Why? 'Cause it no easy. It no easy. Even if you no get money, yeah. They jolly dey shake body. 'Cause the way you dey vex, they complain. Yeah. If you no be God way, yeah. Now zombie be dead body. Yeah. Nobody be no baby. When you fall, you go stand up again. You try them again, again and again and again. 'Cause it no easy, yeah. For Peter and Paul and Matistin, it no easy, yeah. My brother, my sister, now for Paris we dey. If we good do a bad thing, yeah, make we the thank God, yeah. Baba God, now your hand work, yeah. Houston en classique sur Fun Radio, positif. Merci à Oli, le programmateur musical de la radio, qui nous met des petits messages cachés dans la prog. On en direct. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. Ouais, deux émissions avant la fin de la saison, deux émissions pour foutre le bordel. Je compte sur vous pour exploser le standard. 02 851 4x0. Quelle que soit votre couleur de peau, votre religion, votre origine, chrétien, juif, musulman, athée, vous débarquez en direct. C'est Libertad, c'est Open Space sur Fun avec Calvin Harris dans 5 minutes. Le son que vous avez découvert avant tout le monde sur Fun Radio, This is what you came for. Et d'ailleurs, à notre place toute la semaine prochaine, Party Fun, hein. On s'ambiance. Ah ouais, ça va être génial. Voilà. Excusez-moi, je fais mon suceur sur Party Fun parce qu'il y a Oli en fait qui est là, le programmateur qui regarde. Ouais. Et cet enculé me fait. Je me mets là à côté, je regarde parce que je vais reprendre le créneau la saison prochaine. Alors j'observe, voilà. T'es quand même le seul mec qui fait de la lèche, mais qui dit ça l'enculé juste après, tu vois. Mais c'est typique Open Space. Ça, c'est... Je dis ce que je pense. Très bien. Attention, Oli, j'ai quand même deux dossiers sur toi, je pourrais le balancer devant toute la Belgique. Ça va bien, mon Sandro qui est aussi là, hein, direct du club Bellandra, pardon. Bellandra, ça va aller tout seul. Ça va. Bon, tout se passe bien, je suis avec vous là, je suis bien là, les gars. Il nous avait promis qu'il allait venir faire un petit bout d'émission avec nous, donc comme c'est la fin de saison. Sinon, ça va, toi, t'es sûr? Franchement, je suis en train de me rendre compte un truc, mec, je sais pas si t'as remarqué, mais Sandro a carrément une plus belle voix qu'un plus beau physique, tu vois. C'est un truc incomparable. Ouais, c'est super belle voix. Il a maigri de. Va falloir arrêter de me chauffer. Bon Sandro, tu me fais chier. Mais en fait non, je tenais juste à ce qu'il y ait un ex de Coralie avec moi. Parce que tu sais Sandro que pour Coralie j'ai prévu une surprise énorme. Ce sera demain dans l'émission. Ah ouais. Et comme je sais que t'as déjà consommé, c'était avant moi, hein, enfin aux dernières nouvelles, Coralie. Non, moi, tout ce que j'ai consommé, c'est Jonathan, hein, excuse-moi, mais. Putain, mais on te l'a jamais dit, mais voilà, c'est officiel. Là, je le dis pour l'avant-dernière de ton émission, voilà, c'est écoute, officiel. T'as pécho le kangourou d'Walibi? Parce que sinon, t'as pécho tous mes ex, hein, on va pas se mentir. Il y a Guillaume qui est là, 20 ans à la Louvière, salut Guillaume. Hello Guillaume. Et Guillaume aussi, je l'ai pécho. Vraiment Guillaume, Sandro, t'as pécho, frérot? Non, je pense pas, non. Non, mais en tout cas, c'est pas le producteur de la famille en or qui t'a pécho, puisqu'ils vous ont recalé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et pourquoi t'as voulu faire la famille en or? Vous avez une famille exceptionnelle, ils ont quoi de particulier? Ils sont ch'tis? Bah non, c'est juste que je rêve de faire des jeux télé, donc voilà. Et alors, vas-y, raconte-moi, tu t'es inscrit, t'as été au casting? Ouais, donc j'ai fait le casting et en fait, je me suis fait recaler comme une merde en fait. Je pensais vraiment être pris en fait. Et j'ai reçu un mail de la production qui disait merci de votre participation, mais vous n'êtes pas sélectionné en fait. C'est logique. C'est le genre de mail horrible à recevoir. Quand on t'annonce, c'est comme quand on t'annonce que quelqu'un qui t'aimait bien est mort. Quoi. Je veux dire, Guillaume, t'as foiré ta vie, t'as été recalé à la famille en or, ta vie est foutue, Guillaume. Ouais. Mais c'est vrai. Mais le pire, c'est que. En plus, Guillaume, il nous dit pas tout, je suis sûr. Il nous dit pas que sa famille était tellement bizarre que c'est juste la prod qui les a recalés. Enfin, c'est pas la prod qui les a recalés, c'est carrément le chien, là, le ch'ti pépère. C'est lui qui a dit non, je veux pas les voir. Mais t'étais peut-être nul aux questions, Guillaume, non? Bah, non, pas tellement, mais bon. Justement, il y a des questions de présélection ou pas dans ce truc? Ouais, il y en a. C'est quoi comme question? C'est des questions de culture générale, des trucs comme ça? Ouais. D'accord. Mais je peux te comprendre, Guillaume. Guillaume, tu ne participeras pas à une famille en or. Tu peux comprendre ta tristesse, ton désarroi face à cette injustice, Guillaume. C'est quoi, putain, Guillaume? Je me dis, des fois, on fait des trucs pour les enfants handicapés, on fait le télévis, putain, mais. On fait rien pour Guillaume, quoi. Je me demande, Guillaume, est-ce que notre pays n'a pas un problème de valeur, Guillaume? T'as été recalé à la famille en or, frérot. Bah, tu peux compter sur l'Open Space, tu peux compter sur notre soutien, en tout cas. Est-ce que vous avez déjà voulu faire des jeux? Je sais, Jonathan, que tu t'es déjà inscrit à des castings pour Pas mal, télé, ouais, pour, pas mal, pour pas 71, mal. C'est ça? Il y a eu 71, Still Sending, il y a eu Tout le monde veut prendre sa place. Mais le jeu de télévision que j'aurais vraiment voulu faire, c'est Pékin Express. Partout, ouais. Je me suis pas fait recaler, j'ai juste pas été au casting. Arrête, moi je me fais recaler nulle part. Je me fais recaler nulle part. Oh là là, monsieur Boulard, ça va? Ouais, tranquille, et toi? Non, mais sans déconner, le gars, les filles. Et donc, j'ai voulu faire Pékin Express, le problème, c'est l'année où j'ai voulu le faire, ils ont arrêté le programme. D'accord. Je pense que ça aurait été une bonne idée de t'envoyer à 6000 km, putain. Ouais. Ah ouais, ça aurait été une bonne idée. Sandro, t'as voulu faire une émission de télé, tu t'es déjà inscrit ou pas? Non, mais quand j'étais petit, en fait, j'ai toujours rêvé de faire Interville. C'était mon kiff. Ah ouais, avec la vachette. Ah, c'est kiffant. Ouais, avec la vachette. Et par contre, je sais pas si vous avez vu, sur TF1, il y a une toute nouvelle émission qui va débarquer. Ninja Warrior. Putain, c'est dingue. Ça aussi, je veux faire, mais je suis juste pas sportif en fait. Y aura, problème. Par contre, contrairement à Interville, c'est un peu le Interville des années 2000, c'est ça, Ninja Warriors. Ouais, un peu plus. Mais contrairement à Interville, il y aura pas de vachette. Non. Ils ont engagé Maggie de blog directement. le contrepoids, quoi. Bah, c'est plus économique, hein. C'est ça. Alors, aucune émission. Ça t'intéresse aucune. Pas Bah, non, je déteste la télévision. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, je sais pas, il y a des émissions sympas. Non, pour toi, par exemple, Coralie, je sais pas, L'amour est aveugle. C'est comme ça que t'essayes de la récupérer, bravo hein. Je t'aime, ah, moi tu sais très bien que je rigole. Bon tiens, frérot, tiens, pour ton prochain casting, on va essayer de t'y aider et on va jouer à une famille en or ensemble, ok? Mm-hmm. Alors, t'as l'air motivé de ouf en tout cas. Convaincu le mec hein. Je vous donne des questions, posez un panel et vous devez trouver une top réponse. Vous jouez aussi dans l'équipe chez vous à la maison au 3044. Alors, d'après toi, Guillaume, il y a du cadeau Fun Radio en jeu. Qu'est-ce qui coûte 1 euro? Je sais pas, le... casting de ta mamie. Oh là là, la réparation. Tu penses vraiment qu'une majeure partie des gens ont répondu le stream de ma mamie? Je sais pas, un euro, une tapette à mouche. Une tapette à mouche, non, c'est pas. Jonathan, qu'est-ce qui coûte 1 euro selon toi? Une pièce d'un euro? Vous me faites chier. Oh. Sandro. Je sais pas moi, un shampoing. Un shampoing, c'est même pas dans le classement, Coco. Des biscuits. Des biscuits, non, putain, enfin, non, non. Ah, des bonbons. Top réponse, c'est un café, des bonbons. La troisième top réponse, il y a une baguette aussi, un préservatif. Bon, maintenant que vous avez compris les règles, on peut y aller. Guillaume, qu'est-ce qu'un homme va enlever de la valise de sa femme? J'avais la top réponse, moi, personnellement. Qu'est-ce qu'un homme va enlever de la valise de sa femme pour faire de la place? D'après toi. Bah ta gueule toi, mais attends, une clash. Et ça, en plus il a une sale mèche de surfeur là, j'ai vu sur sa snap, c'est dégueulasse. Vous vous calmez. Je sais pas, le lisseur. Le lisseur, le sèche-cheveux. Allez, je prends le sèche-cheveux, c'est une top réponse, Jonathan. Je sais pas, son cerveau. Non, arrêtez de faire des vannes, fais pas tant les vannes, Jonathan, je te l'ai déjà dit depuis septembre. Son maquillage. Le maquillage, des cosmétiques, bonne réponse, Coralie. Ah, Coralie et Sandro. Ouais, dis-moi. Qui êtes-vous? Enferme ta gueule. Non, mais j'ai posé la question, Sandro. Qu'est-ce qu'un homme enlève en premier de la valise de sa femme pour faire de la place? C'est maquillage, sa trousse de toilette. On vient de le dire. Coralie l'a dit. Sinon, t'écoutes un petit peu, Sandro. Je sais pas qu'est-ce que vous faites ce soir au club Bellambra, mais à mon avis, ça doit y aller. Hein. Ah, ça doit picoler, ouais, je crois. Ah putain, sans déconner. Just one. Je suis l'orangina. Jonathan. Quel est le moyen de transport le plus romantique selon le panel? Un bateau. Un bateau, top réponse. Guillaume, selon toi? Bah, la petite barquette à Venise là. Une gondole, c'est dans les top réponses. Sandro, tu me dis? J'aurais dit un vélo, mais genre le tandem, tu vois, le vélo à deux. C'est la top réponse numéro 1. Bravo, eh bim! Mais tu m'as dit top réponse pour moi? Eh bah, Guillaume, bah oui, il y a 4 top réponses. Et lui, c'est la top réponse numéro 1. Okay. Eh, c'est bon, Guillaume, cadeau pour toi. Ça marche, merci. On t'envoie ce qui peut te faire plaisir à la maison, mon Guillaume. Merci, c'est gentil. Excuse-moi, Sandro! On te bascule sur le plus grand cabaret du monde là, applaudir comme ça. Je sais pas comment vous faites dans la pouvoir, mais on applaudit pas. Excuse-moi, mais moi, Patrick Sébastien, il me manque. Hein. Ouais, bah tu vas aller bosser avec lui, tu vas te calmer. Tu vas faire tourner des serviettes et pas que. Guillaume, bonne soirée. Et des kékés. Bonne soirée à vous, merci. Je te repasse Coralie, on prend tes coordonnées, on t'envoie du cadeau à la Louvière, ok? Ça marche, merci. Salut mon Guillaume, bisous mon pote. Salut. 23h38 sur Fun Radio. Vous faites le 02851 4x0 pour faire comme Guillaume, pour venir parler avec nous. Il reste deux émissions les amis dans quelques instants. Il y a le top à l'info mec qui arrive avec Jonathan. Ça arrive. Vous choisissez quelqu'un dans l'équipe. Je pense qu'on choisira Sandro d'office pour ce soir. Allez. Ça va faire plaisir au petit Sandro. D'accord. Jonathan va vous donner des informations insolites, il vous donne le début. À vous de trouver la fin en lui posant des questions. Et ça joue comme au tir au but. Et si vous êtes celui qui a le plus de points, gagne le jeu. Ce sera juste après le son de Calvin Harris et Rihanna sur Fun Radio. Tout à l'heure, on va faire plein de choses ensemble sur Fun. Il y aura le Si Pas Bien aussi, le jeu le plus dur du monde. Ouais. Montre connectée à Pécho. Avant dernière chance pour tenter de repartir avec une montre connectée. Vous vous inscrivez en envoyant le code MIKE plus Si Pas Bien. Vous balancez ça au 6322. C'est 2 euros par message. L'autofoot aussi. On retrouvera très très vite Maître Kevin ce soir. Ouais. Ça fait plaisir. Et la voyance aussi, ça. Et la voyance avec Alex D, évidemment, la dernière de la saison. Voici Calvin Harris sur Fun. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Deux émissions avant la fin de la saison, il est 23h43 en live. Turn up the radio. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. Et en direct 02 851 4x0, vous nous rejoignez. Putain, j'ai Oli qui se fout de ma gueule parce que je bug. C'est la fin de la saison, frérot. Ah bah on sent que c'est la fin. Bah ouais, non mais c'est bon, en plus t'es là, tu me fous la pression. Et tu m'allumes. Ouais, c'est ça quoi. C'est génial. Ouais. Sandro, t'as un petit mois à passer à Oli parce qu'il y a toute la famille Fun Radio qui est là. Il y a Sandro, ouais, le viewer aussi. Quelle belle famille. Qui est là avec Oli de Party Fun sur Fun Radio. Carrément, ouais. Libertad. Et... ok, bah écoute Oli, voilà, je voulais te dire qu'en fait, depuis le début de l'année, mec. T'es gay. Bon, en fait, j'ai un penchant pour toi depuis qu'on mange les lasagnes. Avec un rapport qualité-prix de ouf à Forêt Domaine. D'accord, tu veux parler de la lasagne que tu as dû me payer parce que je t'ai remplacé dans le morning. Ça va les privés de jokes, les gars. Non, on est bien. Exactement, non, on est bien. Mais expliquez quand même que Sandro et Oli, ils se bouffent des raclettes à 10h du mat, on va pas se mentir. Ah bah écoute. Et Oli, t'as pris du poids. Mais faut frérot, tout tiens, ça, faut dis, tout ça. Non mais faut le demander, demande à Nifanzand là qui te fasse un petit. Enfin je sais pas, mais enfin il faut que tu perdes tout ça. Tu étais beau gosse au début de la saison, Oli, là t'as la bouée quoi. Non mais arrêtez, il a un petit ventre mais il est blindé musclé en dessous. Ah ouais. Mais bien sûr c'est super dur. Tu sais ça toi. Mais parce que je t'ai touché l'estomac tout à l'heure. Comment tu sais que je suis super dur en dessous? Ça fait plaisir de vous voir tous ici réunis en tout cas. C'est la famille. Sandro, d'autant plus que Oli la dernière fois qu'on l'a vu à cette heure-ci. Enfin bon. Est-ce que tu veux qu'on en parle à l'antenne? Non, parlons plus. Tu veux pas qu'on en parle à l'antenne? Non. Bon, il a embrassé toute l'équipe, on va pas se mentir. Il nous a roulé la pelle à tous. Ah ouais, c'est une famille, c'est une famille, Mike. Ah ouais, putain. Inceste. Voilà, et comme vous allez me manquer. Non, ouais, c'est ça. On refait une tournante. Non, mais ça commence. On fait un tour. Ça commence tour, comme ça, ça commence comme ça. Demain, il te fout du YMCA dans la prog, le gars. Ah, bon, c'est on va pas pouvoir venir, hein, je vous dis. Hein. Pour ta dernière, ce sera bon, ça. Tellement représentatif. Sacha, je rigole pas trop, Mike. Quoi? Frérot, tu vas vraiment le faire. Oui, il est capable. Sacha est là, bonsoir Sacha, 14 ans Bruxelles, ça va bien mon Sacha? Hello mec. Super, et vous? Bah ouais, tranquille frérot, t'as fait quoi de la journée? T'es en vacances déjà Sacha? Bah ouais, en vacances. Ouais ouais, tranquille, tu vas partir? Ouais. Où ça? Bah j'avais dit quoi? Tu pars où? Bah en Angleterre. En Angleterre, d'accord, très bien. T'as ton passeport et tout? Ouais. Ouais, ma mère s'en occupe donc... Non parce que je sais pas, ils vont sortir de l'euro donc ouais, il faut le passeport, t'as raison. Non mais c'est vrai, s'ils sortent de l'euro bientôt, il va falloir le passeport maintenant pour y aller. Mais t'as raison, c'est une tanasse de ouf. Et tu pars où en Angleterre? À Londres. Ah bah ok, bah tu vas kiffer frérot. Il part chercher le soleil en tout cas. Bah j'ai juste un petit truc à dire. Je connaissais un mec à Londres, il passait sa vie à se foutre des trucs dans les fesses. Harry Potter, il se mettait des baguettes dans les fesses. Non. Je l'embrasse. C'est vrai? Ouais, c'est ça. Ouais Sacha, t'as un truc à dire, dis-moi. Ouais, je savais pas que quand l'Angleterre parlait du Brexit, il parlait aussi de l'Euro 2016 en fait. Je savais pas. Ah, c'était une vanne. Tu vas bosser avec vous et les grosses têtes, on se calme ici. Vous me le mettez en contact avec Barbet Kaufman, s'il te plaît, pour cet été. Je plaisante et je les embrasse. Vous allez retrouver tout cet été entre 17 et 20. Alors, mon Sacha, on va faire le tap à l'info mec. Tu choisis qui pour jouer? Bah, tu choisis Sandro, Sacha, ça va lui faire plaisir. Voilà, je. Exploit par contre, hein. Alors je vous explique le principe, ça joue comme au tir au but, c'est un coup chacun. Et comme avec Coralie d'ailleurs, Sacha. C'est quoi ton problème encore là? Tu me casses les couilles vraiment c'est ce parce soir. Parce que depuis tout à l'heure j'essaie de détendre Coco, mais oui, ben, ça marche pas. Mais non, tu fais pire que bien, donc tais-toi, ne m'adresse pas la parole. Je t'ai demandé une part de pizza en antenne, tu m'as renvoyé chier. Bah bien sûr, attends, c'est ma pizza. Ok. Je partage ma pizza qu'avec les gens que j'aime bien. T'es fou toi, tu la taquines sur la bouffe. Ah bah non. Tu veux une part de pizza Oli? C'est gentil, merci. Tiens. Non, je vous ai pas le dire, mais j'ai dit qu'Oli avait grossi, mais bon, voilà, Coralie. Hein. Bah, tu t'es vu ou quoi, sérieux? Non, moi j'ai maigri. T'as maigri de rien du tout en fait. Salut les gars, je suis chez ma meuf à Wavre, on est ensemble depuis 4 ans, on a passé le week-end ensemble sur BX pour le match des Diables. Je n'ai plus de nouvelles d'elle depuis 8 jours, depuis 3 jours je flippe à mort parce que c'est pas son genre. Ah oui, il serait peut-être temps de s'inquiéter. Hein. Ouais. Je dors plus, je mange plus, quoi faire, prévenir les keufs, on nous dit, oh putain c'est chaud ça. Vous faites quoi, votre meuf elle vous donne plus de nouvelles pendant 3 jours? Je sais pas, mais par contre avec le rire de Sandro je suis capable de tuer donc. Ouais par exemple Coco, bah, moi c'est avec Evan que je peux tuer. J'ai déjà raconté dans l'émission, il y a mon ex, il m'avait plus donné de nouvelles pendant des jours, il m'avait croire qu'il était dans le coma. Ouais. Donc voilà, c'est tout. Mais t'avais rien fait? Bah non, je m'en battais les couilles. Non mais enfin, préviens déjà ses parents. Enfin, ouais, essaye de voir avec ses parents si non, en fait, ils ont des nouvelles, avec ses proches, avec les personnes, les amis que vous avez en commun, etc. Jonathan. Oui. Ok, merci. Oui, voilà. Non, je pense que la meuf elle veut te larguer, c'est tout. Ouais, sûrement. Et qu'elle assume pas. C'est possible aussi. C'est mais possible bon, aussi. Appelle quand même ses parents juste au cas où pour être sûr parce que sinon voilà quoi. Ouais, vaut mieux si hein, s'inquiéter. Sacha frérot, tu choisis qui pour jouer face à... Donc tu choisis Sandro. Il va donner des informations insolites, Jonathan et un, ouais. Tu lui poses des questions pendant 30 à 40 secondes. Ouais. D'accord. Il peut répondre par oui ou par non. À l'issue. Avant d'entendre le gong, tu dois donner une réponse, tu dois donner la bonne réponse à l'information insolite. Sinon tu vas entendre cette petite phrase qui va te briser le cœur, qui va te faire plein de mal. T'as pas l'info mec. Il faut que t'aies plus de points que Sandro. Oh là là, quelle production. Ah bah t'as vu ça, frérot. Et encore. Il y a des moyens. Et attends, je vais pas tout te dire parce que t'as pas entendu le générique. Vas-y, lance. On leur fait le générique, Jonathan. Allez, let's go. Le générique du tape à l'info, mec. Si la machine et si le logiciel ne bug pas, s'il te plaît. Enfin, c'est que c'est bien, c'est que ce logiciel m'aura fait chier toute l'année, sans ouais, déconner. Ouais, ouais, ouais. Allez, on y va. Je vous ai plus les paroles. LM TP TP LM TP TP LM. T'as pas l'info. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas trouvé une réponse? Et après on se demande pourquoi on revient pas l'année prochaine peut-être. Hein, là, moi j'ai trouvé pourquoi. Alors. Allez. Mais je sais pas qui Sacha, commence. Sacha, tu commences ou Sandro commence? Excuse Jonathan, il est super désagréable ce soir. Non, non, du tout. Qu'est-ce qu'il y a ce petit? Il y a la pub en fait. Alors. Sacha, tu commences ou tu laisses Sandro commencer? Là, je vais commencer. Et ok. Allez, c'est parti. L'Arménie a été privée d'internet pendant 12 heures, mais à ton avis, pourquoi? L'Arménie, c'est un pays. Pose des questions. J'avais eu, non? Bah, c'est pas évident. Pose-moi des questions, je te réponds. Est-ce que c'est un rapport avec le satellite? Le satellite, non, non, non. Est-ce que c'est un rapport avec des pirates? Ça n'a pas un rapport avec des pirates, c'est un rapport avec ce que t'as chez toi. Tout le monde a ça. Hein. Chez moi? Oui, tout le monde a ça en fait. Une télé? Non, pas une télé. Un four, un toit? Non, non. Un truc qui te... Voilà, t'as été privé pendant 12 heures. Qu'est-ce que ça pourrait être? Il a des wifi? Eh bah, l'info, mec! Bah, si, il a l'info! Ah, il a eu sur le gong! C'est le wifi, ouais, c'est internet en fait. L'Arménie a été privée pendant 12 heures d'internet parce qu'en fait, une femme avait sectionné un câble. Elle cherchait du cuivre, elle avait 75 ans, elle cherchait du cuivre et tout pour le revendre. Elle était en déche de thunes et en fait, elle a coupé le mauvais câble. Et donc, du coup, bah, elle a privé tout l'Arménie pendant 12 heures d'internet. Mais je comprends pas parce que normalement, internet, c'est il y a plein de sources différentes, etc. Ouais, mais l'Arménie, c'est pas une seule source. Non, mais. Y a pas un bouton on-off, tu vois. Non, mais c'est comme ici, si tu coupais, je sais pas, le réseau Proximus, tu vois, ça peut te couper tout Bruxelles ou peut-être tout Bruxelles et la Wallonie ou un truc comme ça, tu vois. Ah, d'accord. En Arménie, ils ont peut-être pas les moyens qu'on a ici, Mike. Hein, donc voilà. Là, on salue l'Arménie, on salue tout le continent africain, évidemment, qui nous écoute. Je savais pas qu'ils avaient internet d'ailleurs. Merci Sandro. Alors Sandro, tiens, tu fais le malin. Tiens, news insolite pour toi. Allez Sandro. Dans quel état a été retrouvé un dealer au volant de sa voiture après avoir tenté de se débarrasser de la drogue? Où ça? Attends, répète le début de la question. Alors je t'explique, il était dans sa voiture, il a été retrouvé dans un état après vouloir se débarrasser de la drogue. Mais dans quel état il a été retrouvé? Dans quel état? Le Kansas? Mais non, mais pas dans quel état? Dans quel état physique, connard? Dans quel état? Ah, le physique. On n'aura pas mieux là. Je dirais... il était transpirant, je sais pas, moi il transpirait. Non, il transpirait pas, non. Mais c'est un rapport à. Enfin, c'est près. Non, c'est pas presque ça, mais c'est. Continue, t'es sur la bonne voie. Sur la bonne voie. Les États-Unis. Qu'est-ce qui. Bah, je sais pas, moi il était en hypoglycémie. T'as pas l'info, non. Et en fait, il était enfariné d'héroïne. Donc c'est-à-dire qu'il a. Enfariné. Ouais, il a essayé de se débarrasser de la drogue par sa fenêtre. Ouais. Par sa fenêtre, en fait, tellement qu'il roulait vite, l'héroïne, le paquet lui a revenu dessus. Et donc, du coup, ça a explosé dans sa voiture. Ce qui fait qu'avec tout ce qui s'est passé, bah, ça a provoqué un accident. Et donc, les flics ont pu l'arrêter. Mais bon, la voiture a été. Il a pris une faciale d'héroïne. Exactement, ouais. Bah, très bien. Merci. Faudrait essayer d'ailleurs. Merci Jonathan. Ça fait match nul entre Sacha et Sandro. J'offre du cadeau à Sacha. C'est cadeau pour toi, frérot. Tu prends ce que tu veux. On t'envoie ce qui peut te faire plaisir. Non. Quoi? L'object. Ah ouais. Il voulait dire pas jouer. tu fasses, mais tu vas pas laisser. Mais quand il m'a dit ma question, il m'a dit l'Arménie, enfin l'Arménie a été privée de Wi-Fi pendant 12 heures. Pourquoi? Oh là là, je la réponse. Eh ben, c'est ce qu'on a dit, cadeau, mec. Parce qu'il y a une meuf qui a coupé le fil. Oui, mais il m'a dit l'Arménie a été privée de Wi-Fi pendant 12 heures. Pourquoi? Quand il m'a dit la question. Donc il m'a dit la réponse dans la question, mais vous avez pas remarqué. Mais non, frérot, okay. Pourquoi elle était coupée? Appelle l'huissier de justice. Ouais, c'est maître ça, non, Moya. Envoie un mail. Où, maître Moya? Si t'as une réclamation à faire, Sacha, envoie un mail à nosreponses@funradio.be. D'accord. D'accord. Je t'envoie ce qui peut se passer. Il n'y a pas de soucis, hein, si j'ai gagné ce bar. Bisous, mon Sacha. Bisous, mon Sacha. Ouais, bisous, Radio Standard. Bisous, frérot, à bientôt. 23h52 sur Fun Radio. On est à la bourre dans quelques instants. Il y aura. Il gagne un million, il chicane. C'est encore, ça, c'est ça. C'est le seul gagnant qui arrive à se plaindre parce qu'il gagne, en fait. Tiens, je vous parlerai de l'homme le plus sexy du monde. Ah. Vous allez me dire, selon vous, qui est l'homme le plus sexy du monde, et je ferai le classement inverse. C'est toi, qui Mike. Est plus drôle, qui est l'homme le plus moche du monde. Vous réfléchissez chez vous à la maison, vous me balancez ça au 30-44 et on en parle juste après. Tiny Tempaz, Zara Larsson sur Fun Radio, passez une bonne nuit tout le monde. All I ever needed was a plan. Tell JK that I'm still rolling. Yeah, tell Russell on my rep. Yeah, bust that gang. Ain't nobody messing with a gang. Might take a fly out for the weekend. Yeah, and go can cause I can. Go low, everybody get low. Had a couple hits and a couple solos. Now I got a couple Brits and a couple mobiles. Drop pass out, everybody loco. I was dropping off the man them in the polo. Now I'm with a man them in the polo. I can make a honey give away your last rolo. And I stay show, yo, you know how it goes. All the girls like. That's me, man of the year, I'm fleeky. Had a couple man won't be me, them man can't be T. Tell them only winners are allowed. No diggity, no diggity doubt. I was getting booked before girls were putting out. Told them I was gonna blow back when I was in the south. Go low, everybody go low. Since you want me, she don't want a cocoa. So I made a single back, let you put my loco. And I got a Merc, I ain't got a Volvo. Used to have a black, lucky it's a Rocco. Now everywhere I go, people want a photo. I can make a honey, give away a lot solo. And I stay show, yo, you know how I roll. But the girls like. Yeah. He's not my guy, he's a friend. Better pick me up in the Benz. I like cruising around the West End. No Netflix and chill, that's dead. But it goes like. Every day you ride with your friends. But it goes like. I don't need your money for my friends. But it goes like. 8.9, I'm a 10. But it goes like. Call to your Wi-Fi again. Merci d'écouter Fun Radio jusqu'à 2h du matin. Bienvenue dans l'émission la plus incontrôlable de la Belgique. Toute une génération pour foutre le bordel. Mike Open Space. Mike Open Space, le soir sur Fun Radio. Et c'est l'Open Space sur Fun Radio jusqu'à 2h du matin. Tiens, dans quelques instants, j'ai un sondage pour vous. Ouais. D'après vous, qui a été élu l'homme le plus sexy du monde en 2016, Jonathan? C'est des hommes connus? Bah bien sûr. L'homme le plus sexy du monde, je sais pas, je dirais Channing Tatum. C'est qui? C'est celui, Channing Tatum. Qui joue dans Step Up. Mais ouais, il est super connu. Je connais pas. Il a fait Magic Mike aussi. Sandro, l'homme le plus sexy du monde. J'aurais dit pas Brad Pitt, l'autre là, Bradley Cooper. Bradley Cooper. Ah ouais, pas mal. Il est beau gosse. Je sais même pas qui c'est. Il est beau gosse. C'est pas lui. Coralie, selon toi? David Beckham. David Beckham. Ouais. D'accord, très bien. S'il vous plaît, essayez de vous. C'est un peu le bordel ce soir, c'est n'importe quoi. Donc, essayez, s'il vous plaît. David Beckham, tu me dis. Bah, je pense que c'est. Et à l'inverse, dites-moi l'homme le plus moche du monde, on en parle dans quelques instants ensemble sur Fun Radio. 30, 44, 50 centimes par message, 02851, 4x0. Il y aura le JT Déjanté OVNI aussi à venir sur Fun Radio. Et on va se faire le son de Souffle dans quelques minutes. C'est Mia Mort qui arrive. Ah, Jonas Blue aussi qui arrive là. Bonne soirée sur Fun. Mike Open Space. Mike Open Space revient tout de suite sur Fun Radio. Allez faire un tour sur le Facebook Mike Open Space. Gagnez le plus élégant des ordinateurs portables, le MacBook Air 13 pouces d'Apple. Fun. Likez dès maintenant la page Facebook de Fun Radio et laissez un commentaire avec le Facebook d'un ami en lui expliquant pourquoi il vous faut absolument cet ordinateur portable. Le MacBook Air d'Apple. Les plus beaux cadeaux high-tech, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son dance floor. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. It feels good in my heart, in my soul when you're right here beside me. I don't ever want this day to end. Watch the waves, have a coke, and just sit here beside me. I take a little of my heart again, so we can feel forever. Yeah, feel together, be real together, and no one can stop me. Make it easier to sing, yeah. Make it easier to sing, yeah. It feels good as we stand on the shore and now to jump in. I grab another coke and let's dive in. Oh, my love, there's a song in my soul when you are around me. To make it easier to sing, yeah. So we can feel forever, yeah, feel together, be real together, and no one can stop me. With every fading sunset, we see the stars align. We make the simple moments last for a lifetime. So we'll feel forever, you and me together. Make us feel forever and be real together. Ladies and gentlemen, Mike Open Space, l'émission qui va vous empêcher de dormir sur Fun Radio. Yeah.

ce son là on vous la joue avant tout le monde dans Party Fun. Un autre place Party Fun là dès la semaine prochaine pendant tout l'été à partir de 20h sur Fun Radio, c'est l'Open Space. Are you ready? Une galère, appelez l'Open Space. Go 02 851 4x0. Mais soyez bon. Il est minuit 7, on est en direct avec toute la team, toute la famille Open Space, ouais. Autour de moi, Jonathan, Coralie également qui est là. Coralie, je lui ai préparé une très très grosse surprise pour demain. Je vais essayer de recoller les morceaux avec Coralie. Elle me fait la gueule depuis que j'ai prononcé le prénom d'une autre fille alors que je dormais. Ouais. Et ça ne me l'a pas pardonné, Coralie. Bon, c'est bon, les messages Facebook, je t'ai expliqué, t'as compris. Non, ça m'est totalement égal. Je t'ai dit que les messages je Facebook, m'en fous. Je parle avec les électrices, elles m'envoient des messages, je vais pas mais les Mais ça m'est égal, devant. Tu c'est normal, pas je parle à non, tout le monde. Tu parles pas aux filles, je suis désolée. Non, mais bien sûr que si d'ailleurs. Mais les bien filles, sûr que non. Et les mecs d'ailleurs, vous pouvez aussi m'ajouter sur Facebook, Mike Open Space, y a pas de souci. Non. Et il y a Sandro aussi de la Power qui est là. Ouais, Sandro, elle était aussi relou quand tu l'as baisée ou. Oh là là. Non, mais parce qu'il va falloir arrêter avec ce dos, hein. Non, mais frérot, c'est un dossier, je l'ai un peu mauvaise. Donc, tu comprendras que je suis un peu gris là-dessus. L'ex gel. Non, mais par contre, y a un truc que je dois aussi te raconter, c'est que bah, j'ai dormi avec ma meuf le week-end dernier et j'ai eu le même truc que toi. T'as prononcé le prénom d'une autre fille. Ouais, exactement. Pendant que tu dormais. Ouais, mais. Et elle l'a pris comment? Elle l'a pris comment? Mais elle l'a un peu mal prise parce qu'en fait il y avait les orages et tout. Et puis apparemment je me suis réveillé. Je lui ai dit t'inquiète maintenant elle va pouvoir dormir, les orages se calment. Mais ma meuf flippe des orages. Donc du coup elle l'avait un peu mauvaise mais c'est super gênant comme situation. Ah mais putain c'est hyper gênant. Mais moi elle m'a dit le lendemain. Mais elle s'est barrée en fait. Tu veux, elle a pris ses affaires. Elle s'est barrée de l'appartement mais... Elle m'a dit ensuite je me suis barré parce que j'ai vu des messages sur Facebook avec des auditrices. Et parce que t'as prononcé le prénom d'une meuf pendant que tu dormais. Mais c'était quel prénom? Parce que ça on ne sait toujours pas, tu vois. Ouais c'est ça. Bah je sais même pas, elle a pas voulu me le dire. Mais moi je vois pas. Ah ouais. Mais tu sais que moi j'ai balancé un nom au pif. Et en plus la meuf je l'ai vue une fois sur un événement. Et comme ça le nom est sorti. Alors que la meuf je lui ai plus jamais parlé quoi. Non. Je connaissais pas cette meuf de toute façon. Donc c'est encore pire. Bon voilà. C'était qui alors? Je ne la connais pas, je ne sais pas. Bah j'ai dit quel prénom, dis-moi, je vais pouvoir te dire si je te la connais. T'as dit Émilie. Ah mais Emily. Non mais je sais mais parce que la veille en fait on avait regardé la comédie musicale Emily Jolie. Et donc je m'appelle Emily. Non non non mais attends, voilà. Attends. Si, mais non, c'est ça. Attends la veille il était avec moi. Bah oui, bah juste avant d'être avec toi, écoute. Mais j'ai dormi chez lui le jour avant. Bon écoute, démerde-toi, hein, merde. Bon, vous avez dit quand même. Allez, menu 9 Hashtag moment gênant sur Fun Radio. Voici l'heure des titres à la une de l'actualité demain. Voici l'heure du JT déjanté sur Fun Radio. Transformation Mike Morello, fils caché de Carlo. Hello Coralie, hello Sandro. Hello Gonzalo. Hello à tous. La vérité. Et oui, si Mario était un vrai plombier, juste après avoir libéré la princesse Peach, il lui facturait 80€ pour le déplacement. Accident de la route. Il conseillait aux vieilles dames qui traversent la route de mettre un gros bouson noir épais. Ça abîme moins les voitures en fait. Logique. Oui, si ça se trouve, Garou ne sait même pas comment on fait pour se racler la gorge. Oh. Quelle arnaque ces clubs échangistes. Ben ouais, malgré toutes mes tentatives, je range toujours avec la même meuf. Bon, allez. Ta gueule. Allez les Diables Rouges. Allez, allez, allez. Bravo Jonathan, tu viens d'inventer les paroles des deux prochains albums des Magic System. Si on gratte un bouton, il va grossir et va se voir de plus en plus gros. Ah ouais? Bah faut que je me gratte la tube alors. Une galère, appelez l'Open Space. Go 02 851 4x0. Mais soyez bon. Bon les amis, avant de s'écouter Boosty Feel Alone sur Fun Radio, j'ai un sondage pour vous. Ouais, Johnny Depp a été élu l'homme le plus sexy du monde. Il est dégueulasse. Ah ouais? Ouais. 50 ans, 30 ans d'expérience d'Hollywood et il continue à être l'homme le plus sexy du monde. Moi je comprends pas l'intérêt d'élire tous les ans l'homme le plus beau du monde. Bah. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'on n'est pas dans le classement après, je sais. Bah, je pense que je serai dans le classement le jour où les sangliers pourront voter. Tu vois. Oui, il a dit Mike, j'en ai un foot, il a dit Mike. Et encore. T'es méchant toi. Non mais j'aime pas les sondages comme ça. Je sais pas c'est basé sur quoi en plus. D'où Johnny Depp c'est le plus beau du monde. Mais c'est ça en fait. Parce que là le mec il est connu. Donc on peut se baser sur les gens connus les plus beaux du monde. On est d'accord que il y a plein de mecs beaux qui sont pas dans le classement parce qu'ils sont pas connus. On est d'accord que Cyril Hanouna a quand même un peu plus de sex appeal que Johnny Depp les gars. Exactement. A l'inverse je préférais, comme je vous dis tout à l'heure, faire l'inverse. C'est à dire l'homme le plus moche du monde. Ça ce serait drôle. Vas-y. Je sais pas, si vous deviez élire l'homme le plus moche du monde, vous choisiriez qui? Sandro, tiens. Dans les people. Ouais. Bah moi je dirais les Bogdanov quand même hein. Ah À l'époque d'un œuf. Ouais. Ah oui, à un moment donné, les gars, c'est pas arrêter, mal. Ah ouais, non, putain, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que les gars sont chelous. Mais pour, après, pour leur âge, ils sont plutôt bien conservés. Je crois qu'ils sont super vieux, les Bogdanov. Ils ont 60, hein, ouais, 60. 60, voire même 70 ans. Et, Ah merde. Mais le truc, c'est que ils ont fait tellement de lifting, les mecs, tellement de chirurgie esthétique. En fait, à tout moment, s'ils pètent, ils peuvent exploser, les Bogdanov. On va pas se mentir. Ils font comment dans l'avion, du coup? Mais je sais pas, ouais, c'est vrai. Ils se mettent en mode avion, je pense. Dites-moi sur l'SMS 3044, quel est l'homme le plus chum du monde selon vous, Jonathan, selon toi? Voldemort. Ouais. Sans aucune hésitation. Non, mais c'est un mec avec du maquillage. Ouais, ouais, bah oui. Bah. Mais sinon? Bah justement, il a du maquillage et il continue à être moche. Donc, non, je sais pas, sinon, il y a. Dans les acteurs, je sais pas, peut-être Rupert Grint en fait. Bah justement. Ah, le Ron, Ron Weasley. Ouais, Ron Weasley, il est pas super beau quand même. Hein. Moi, Jay-Z. Mais c'est un roux, c'est normal. Jay-Z est dégueulasse. Ouais. Ou non, ou je sais pas, j'ai vu ce week-end dans la presse des photos de Boudère. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Ah putain, ouais, lui. Boudère, c'est un acteur. Ouais. Un petit. Boudère, voilà. Ouais, c'est ça, il a joué dans. C'est un animateur radio d'ailleurs. Il a joué dans. Dans Beurre sur la ville. Beurre sur la ville, tout à fait. Ah non, mais genre typiquement Boudère, je sais pas comment le gars a été construit, s'il a été sorti comme ça, mais c'est super bizarre. Il a un œil qui part en bas à droite, l'autre qui part à gauche, il est coiffé comme un labyrinthe. C'est ça. Après, il est pas moche. Je pense que. Bon, c'est-à-dire que il se coiffe, il rentre en boîte quoi, mais habillé avec une cravate, tout ça. Non mais c'est vrai, mais Coralie, toi qui sors qu'avec des moches. Bah toi. Oh putain. Je me suis auto-clashé en plus. Je sais, justement, je poursuis ton clash. Mais tu m'avais dit Charles Michel en antenne. Ah non, Charles Michel il me ressemble. Non, il est plutôt beau gosse. Donc il est dégueulasse. Dis-moi. Bah non, mais franchement, j'ai fait une photo avec lui. Tout le monde m'a dit tu pourrais être sa fille. On a les mêmes lunettes, on a le même nez. Et les mêmes mensurations. Mais... 1m70, 90 kilos. On va pas se mentir. Ah, pour ton info, je pèse pas 90 kilos. Non, mais Charles Michel, tu m'avais dit ça en antenne, Coralie. C'est vrai, après, globalement, tous les politiques sont chums. C'est comme Elio Di Rupo. Ouais. Non, mais lui, ouais. On dirait une poupée en plastique, le gars. Sans déconner, il entraînerait une petite fille. La petite fille qui a le moins de goût au monde. C'est vrai. En plus, il a une tête de psychopathe comme ça, tu vois, un peu. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ok, on nous dit au 3044, moi je dirais Nico Salega, Cyril Hanouna, Patrick Pauvre d'Arbor, on nous dit dans DSK. Les beaux gosses. Non, dans les moches. Ah, dans les moches. Jean-Pierre Foucault. Nico, c'est il est beau gosse, Jean-Pierre Foucault. Il est beau. Benoît Poulvord, il est beau gosse, Benoît Poulvord. Danny Boone, on nous dit François Damiens. François Damiens, bah très bien. Bah voilà pour ce petit sondage, on continue d'en parler ensemble sur l'SMS. Au 3044, il y a Si Pas Bien qui arrive sur Fun, le jeu le plus dur du monde, avec une montre connectée à pécho. Et le son de Boosty, c'est Phil Alone. Sandro, tu restes un petit peu? Avec plaisir. Allez, bouge pas, il y aura Maître Kevin aussi qui va nous rejoindre très très vite sur Fun Radio. On fera tout à l'heure le loto foot avec Maître Kevin. La dernière. Il y a peut-être du tech à suivre 2.0 de Calais, plein de choses, plein de délires ensemble jusqu'à 2h. Deux émissions avant la fin, vous ne serez plus jamais seul. Voici Boosty. On ne sera plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul. Accroupi à pleurer dans un coin de mon appartement, je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant. J'ai beau réaliser que ma nouvelle pièce est cool, je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 mètres carrés. Diplômé, indépendantisé, je ramène des copines, coquines, mais je fais que teaser. Non, je veux pas être trentenaire, je rêvais d'une indépendance, mais là j'en tremble. Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on. Feel alone like water. Je me balade dans la rue de ma ville. Je tape dans les canettes vides, ça me fait baler. Tout le monde est speed, je me sens tellement inutile. Franchement faut changer d'attitude. Pas un seul employeur ne s'intéresse à mes aptitudes. Prisonnier et déshumanisé. J'ai cru pouvoir tout gagner, mais je ne sais pas miser. Non j'ai pas une vie droit, mais pourtant mes parents pensent que j'accumule les victoires. Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song I feel alone. Watch these people look so happy all around. Tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul. Même si nos vies sont casse-gueule, et je ne serai plus jamais seul. Tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul. Même si nos vies sont casse-gueule. Et plus jamais seul le soir sur Fun Radio Libre Antenne jusqu'à 2h. 02 851 4x0, toute la Belgique en entier, d'un long à tourner. Ramenez-vous ce soir sur Fun Radio, Mike Open Space, l'émission la plus irrévérencieuse de la bande FM. Nous non plus, on sait pas ce que ça veut dire. Minuit 17, on est en direct, différent de tout ce qui se passe ailleurs à la même heure sur la bande FM, avec toute l'équipe qui est là. Il y a Zezel qui vous rappelle, si vous inscrivez au 6322, vous commencez le message par M-I-K-E. L'homme de l'ombre, attention, c'est 2€ par message. Il y a Coco également qui décroche le numéro pour te joindre. Le 02 851 4x0. Non, j'avais oublié parce qu'on s'est embrouillé. Mais c'est vrai que tu dois te connecter sur les réseaux sociaux, toi. Ben tiens, on y va tout de suite. Le Facebook de l'émission Mike Open Space, tu parles avec tout le monde. Coralie, j'espère que c'est fait. Parce que vu que t'es plus ma meuf, je peux être un patron très objectif désormais. Ah bah vas-y, essaye seulement. Ah bah hé hey. Alors il y a Pépé Kala qui nous dit: équipe de choc, continuez comme ça. Merci. Tu peux le faire avec un peu plus d'enthousiasme. Quand tu me parleras mieux, je le ferai. Non mais sans déconner, on le fait dans 5 minutes, j'en ai rien à foutre, Coralie. À mon avis, elle s'est même pas connectée sur le Facebook depuis tout à l'heure. Dites-moi si vous avez envoyé des messages, si elle vous a répondu, dites-moi 3044, ami. Je sens que je vais annuler ma surprise demain, Coralie. Hein. Eh ben annule ta surprise, m'en fous. Non, n'allume pas, fais-le avec une autre personne, c'est mieux. Ouais, je pense. Ouais. D'ailleurs, je suis là d'ailleurs. Tu fais quoi demain? Je sais pas, je serai dans l'émission. Et bon, après... bah très bien, bah, je le fais avec Jonathan. Bah fais ce que tu veux avec Jonathan. Voilà. Non, tu n'iras pas te plaindre. Ce sera qu'une fois de plus, de toute façon. Ouais, c'est ça. Pareil. Ouais, jalouse maladive, celle-ci. Et il y a Sandro, évidemment, de la Power qui est avec nous, enfin évidemment, qui est venu nous faire un petit coucou là pour l'avant-dernière de la saison. Ah bah il sent qu'il est pas prêt de nous revoir, le Sandro, alors il vient nous dire au revoir, ça fait plaisir, frérot. Ça ressemble vraiment un peu de ça, j'en sais rien, on se verra sûrement autour d'un kebab. Ça, bah ouais, frérot, on se fera un petit douron et tout, t'inquiète, je régale là. Grand plaisir, c'est Zezel, il paraît qu'il régale là, j'ai entendu. Bah ouais, c'est vrai, Zezel, il va ouvrir un snack demain, Place Mézières, et d'ailleurs il va vous offrir des menus demain. Place Mézières, vous irez dans son snack, donc son snack c'est. Master Frites, oui, j'allais confondre. Et donc, il faudra dire Make Open Space là-bas et vous aurez le menu complet. Je suis encore occupé à négocier ça. Avec hein, le coca, la boisson, enfin, le truc VIP. Ouais, le mec ouvre son snack et il négocie ça. Mais tu négocies avec qui, mec? Mais parce qu'il est associé, tout ça. Je suis associé. C'est compliqué, tu t'en fous de l'associer, tu dis c'est Fun Radio, c'est Mike Open Space. Et voilà, frérot. C'est la dernière, mec. De la saison. Tu te calmes. Bah oui, de la saison. Excuse-moi, il manquait un mot. Ah, merci beaucoup. Il y a Cachemire qui arrive sur Fun Radio dans 5 minutes. Avant de pouvoir aller pêcher vos snacks chez Zezel. On va se faire voir le car. On va faire la route. Hein. Ah bah ouais, je sais, Sandro, dès qu'il y a de la bouffe gratuite. Juste pour le snack, je suis là. Ah bah je sais, Sandro, est-ce qu'on appelle dans le milieu un gros crevard? Exactement. Bon, et tiens, Sandro, tu connais les règles du si pas bien ou pas? Ouais, vite fait, bien fait. Alors vas-y, essaye de me les rappeler, c'est le jeu le plus dur du monde. C'est ça, c'est le jeu le plus dur du monde en moins de 30 secondes, je pense, ou en moins d'une minute, je sais plus. Ça, par contre, je sais plus. 30 secondes. Quels sont les 3 mots à pas dire? Voilà, t'as pas le droit de dire si, pas ou bien, et tu peux pas répéter deux fois le même mot. Exactement, ça, on va faire 2 secondes de blanc aussi. Également. Il faut tenir 30 secondes comme blanc. Ça et respecter ces règles aussi drastiques soient-elles. J'appelle Serge Van de Pute. Oui, j'arrive. Bonsoir. Le boss du service Reclamation de Fun Radio. Il y a beaucoup de monde dans ce studio, je vois ce soir. Bon, ça va bien, Serge. Ça va bien, toi, Chouka. Bon, vous allez essayer de piéger les gens. Je vais essayer. Bah, 30 secondes à tenir pour repartir avec votre monde connecté. Vous vous inscrivez en envoyant M-I-K-E plus si pas bien au 6322, 2€ par message. Coup d'envoi du si pas bien, Serge. Let's go. C'est le si pas bien, dans Mike Open Space. Le jeu. Plus dur du monde. 02 851 4x0. Serez-vous à la hauteur? Et c'est la question à laquelle on va tenter de répondre comme chaque soir maintenant sur Fun. Sandro, tu vas essayer de piéger du monde aussi. Il y a Vincent qui est là. Salut Vince. Hello. Ça va ou quoi? Un peu rhume, mais ça va. Oh là là. T'as quoi? Tu vas te réveiller, mec. T'as une grippe? Bon, je la chiasse. La chiasse? D'accord, très bien. La chiasse de la bouche? Oh, je sais pas. C'est l'accent. Je sais pas. Merde. Eh oui, comme tu dis. Enfin Vincent, tu me fais flipper, frérot. On va se dépêcher de faire le deuxième tour parce que tu peux partir à tout instant, Vincent, enfin on l'entend quoi. Bouge pas, mon Vincent, m'inquiète un peu. Benoît est là pour Sergent de Pute. Sans Luben. Oui, bonsoir. Comment tu vas? Comme l'habitude. Comme d'habitude, il y a le comme E d'habitude. Tu dégages. Oh, c'est un gros crevard de ouf. Deux fois le son E. Bouge pas, Benoît. Pas de problème. Bouge pas. Bora est là pour... tiens, Sandro, tiens, allez, vas-y. Essaye de piéger Bora. Bora, salut Bora. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais de bien? Rien, et toi? Bah, pas grand-chose, hein. Il fait deux bon, secondes de blanc, deux secondes de blanc. Et c'est pour qui, les deux secondes de blanc? Bah, c'est pour... Et toi, tu essayes de piéger les gens, Sandro. Ah, d'accord, ok. Il est fort. Mais dans toutes les radios, t'as des élèves en difficulté comme ça. Hein. Ouais, enfin, dans ça. Toutes les écoles, voilà, nous, c'est ça. Gros, quoi. Il y a en fait, il faut un quota d'handicapés dans chaque société. Bah, c'est moi le quota, en fait. Voilà. Au moins, il est lucide, ce type. Ouais. Il y a de belles balades dans la région, Sandro. Caïs est là. Salut. Bon, Caïs, comment ça va, frérot? Tranquille. Un auditeur fidèle, Caïs. Hein. Ouais. T'es parti bosser ce soir? Comme d'hab. Rappelle-moi, tu bosses dans quoi, Caïs? Livraison. Tu fais des livraisons de quoi? Courrier. D'accord, ça se passe bien? Tu bosses jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 7h. Et ça se passe bien? Tranquille. T'as commencé à quelle heure? 10h. Et 7h, 10h, 2 fois heure. 2 fois heure. Ah, combien de secondes pour Caïs? On est à 25. 25 secondes, Caïs, meilleur score de la soirée. Ne bouge pas. Deuxième tour pour tout le monde. Vincent est là et c'est Serge Vente de Pute qui va s'en occuper. Salut Vincent. Salut le vivant. Quoi? 2 secondes de blanc. Ah ouais, secondes Vincent, de blanc, vas-y, frérot, putain. Il s'endort le mec. Hein. Vincent, si t'es pas en état, va bien faire le si pas bien. Bon, bah, bonne soirée, Vincent. Il est mort, il est mort. Vincent, je ne partirai pas d'ici tant que tu m'as pas dit au revoir, Vincent. Vincent, il est en train de faire la chiasse pour la bouche. Appelle l'ambulance quand même, on sait jamais. Hein, Vincent. Bah ça c'est bien Vince, écoutez. Bon salut mon Vince. Benoît, je plaisante, oui. Évidemment. C'est pour tiens Sandro. J'écoute. Ouais. Comment ça va? Bon, comme d'habitude. Et tu travailles là? Non. Et tu fais quoi? Je vous écoute. Ah c'est pas mal. Et demain tu fais quoi là? Oh, je vais regarder le foot. Y a pas de match demain. Bien essayé. Attends, je vous écoute le je foot. Je vous écoute. Je le suis là. Août, voilà. Et Sandro, il y a un match demain quand même. Hein. Bonne soirée Benoît, sais, c'est perdu. Merci. A bientôt mon pote, bisous, je te repasse coucou au standard. Ok, raccroche pas Benoît, tu tentes ta chance quand tu veux aussi pas bien. Enfin demain du coup, parce qu'après ce sera un peu trop tard. Bora. Ouais. Bon Bora, tu pars en vacances ou pas cet été? Négatif. Tu pars pas? T'étais parti cette année quelque part quand même? Pardon. Le son pas qui t'élimine du si pas bien, c'est perdu. Ah c'est dur. Bonne soirée Bora. Bonne soirée. Personne là. A bientôt Bora. Qu'est-ce qu'il y a Sandro? Non, je disais il reste plus personne là. Eh ouais, il reste que Caïs et c'est Sergent de Pute qui va s'en occuper. Salut Caïs. Ah, Caïs. Yep. Comment tu vas? Tranquille. T'as écouté le début d'émission, fieu? Non. Ah, t'es fan de Justin Bieber là, je sais pas trop quoi là. Pas du tout. Pas du tout, tu dégages. Au revoir, merci, bonsoir. Justin Bieber, ça vous fait perdre vos moyens. Caïs, bonne soirée. Ouais. Bonne soirée les gars. Ouais, à bientôt mon pote, hein. Tu reviens quand tu veux. À bientôt. Ouais, tu rappelles demain pour la dernière, Caïs. Ouais, ok. Eh bah vas-y, à plus tard, Caïs. Personne ne nous a battu. Tard, personne. Aussi pas bien, je sens bien qu'on va terminer cette année par une invincibilité, Serge. Ah, je crois que ce serait pas mal, ouais. Ouais, bah encore demain pour tenter de remporter la montre connectée. J'ai juste une question. Si demain, y'a personne qui remporte la montre connectée, on peut les garder pour nous ou pas, Chuka? Mais il en reste quelques-unes, mais tu sais qu'on les commande sur mesure, Serge. Oui, bah j'ai un bon tour de poignet, hein, donc on peut la commander sur mesure. Mais vous allez voir avec monsieur Philippe. Ok, bah j'irai voir. Il y avait une certaine mamie Simone avant qui bossait pour nous, qui s'arrangeait comme elle pouvait avec monsieur Philippe. Bah, j'ai pas la buccalité nécessaire pour faut pour un peu la de profondeur, quoi. Mais bon, on va faire ça, y a pas de soucis. Mais demain, dernière chance pour repartir avec la montre connectée. Vous vous inscrivez, vous envoyez MIKE plus, si pas bien, 6322, 2€ par message. On écoute Cachemire sur Fun Radio. Maître Kevin arrive juste derrière dans l'émission. On va faire le loto foot avec lui. Je rappelle que le premier du classement du loto-foot choisira sa destination de son choix. Et c'est moi qui paierai tout pendant une journée complète. On vous mettra tout ça sur le Facebook Make Open Space. Alex D arrive aussi, notre voyant. Mercredi, c'est la voyance en direct juste après Cachemire, nouveauté Fun Radio. Voici White Card dans l'Open Space. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your take a spin, wanna take a roll. You know you're dealing with the wild card. If you go all in, I'll make your troubles fall. Might take your diamonds, but I'll steal your heart. Manu sur Fun. 02 851 4x0, Mike Open Space sur Fun Radio. Et on est en direct jusqu'à 2h du matin. Merci de nous avoir choisi, les amis. C'est l'Open Space, vous débarquez au 02 851 4x0. C'est Coralie qui décroche avec plein de joie, plein de bonne humeur. Coralie. Oui, bien sûr, tout à fait. Il y a Oli qui est là, donc je suis super contente. Oui, et si Oli pouvait me rattraper les merdes que j'ai fait au niveau de la prog, s'il te plaît frérot, parce que là j'ai viré plein de sons et tu vas pas être content, mon Oli qui a un petit Michael Jackson là d'ici, ouais, et tu sais pas 2h du matin. Et si vous voulez vous écouter un son d'ailleurs, vous m'en faites la demande au 3044, c'est 50 centimes par envoi, c'est vous qui faites la prog de cette émission. Comme d'habitude, Oli ne sert à rien. Il y a Sandro de la Power. Frérot, faut te libérer, c'est ça? Non, non, je peux encore rester là, jusque 45 là. Ah, dommage, t'as encore quelques minutes, Sandro, il y a Jonathan aussi, il y a Coralie, toute l'équipe est là, et vous tous en direct. Et Alex D qui est là comme chaque mercredi soir. Bonsoir Alex. Bonsoir tout le monde. Comment ça va, la dernière voyance de la saison, Alex. Alex? Bon, super. Bon, ouais, bah super, si on revient en septembre. Alors Alex, est-ce que tu n'as pas changé d'avis sur ta prédiction? Ouais. On sera toujours là en septembre? Bien sûr, mais vous n'avez toujours pas de réponse? Ah non, on n'a pas de réponse et puis bon bah il y a des, enfin tu sais, enfin la radio c'est un village, donc voilà, il y a des bouts de killer qui tournent, voilà. Oui, mais à mon avis je pense qu'ils attendent que Jonathan repeigne les studios et à partir de là ils donneront une réponse. qui repeigne les studios. Oui. Tu sais que ça tombe bien, il a les couilles pleines en ce moment. j'ai autant de talent en peinture qu'en vanne, hein, donc ils sont pas prêts de nous reprendre dans ce cas-là. Ah ouais, non putain, on a déjà dû réparer une porte. Enfin, je vais pas le raconter, c'est toute une affaire. Alors Alex, frérot, il y a plein d'auditeurs qui veulent encore te poser des questions. Si vous avez des questions à poser sur votre avenir sentimental, personnel, vous pouvez ou professionnel, vous pouvez nous appeler maintenant au 02 851 4x0. Sandro, je ne sais pas si tu as une question à poser à Alex concernant ton avenir. Exactement, j'ai une question. En fait, Alex, est-ce que tu sais me prédire ce que je vais manger demain? Parce que j'en ai encore aucune idée. Cassos. Oh là là. Ah, cassos. Oh, ne réponds même pas. Mais c'est pour voir. Vas-y, mais non, mais par exemple, essaye. Alex, Sandro a une nouvelle meuf. Bon, ça a l'air d'être l'amour fou. Je sais qu'il a beaucoup souffert, il a beaucoup galéré cette année, Sandro. Eh ouais. Est-ce que ça va durer avec sa nouvelle copine? Sandro, donne ta date de naissance. Alors, ma date de naissance, c'est le 11/7/1995. T'as entendu ou pas? 95? Mais putain, elle est plus jeune que moi. Sérieux? 95 ou 65? 95 l'autre. Et elle est super jeune, Sandro. Bah elle est plus jeune que moi. 1940, Alex. 1940. Bon, déjà, pour répondre à ta question sur l'alimentation, t'as pas une alimentation très équilibrée. Et elle est super jeune, Sandro. Bah elle est plus jeune que moi. 1940, Alex. 1950. Bon, déjà, pour répondre à ta question sur l'alimentation, t'as pas une alimentation très équilibrée. Donc, ça se voit, sur l'alimentation. C'est laquelle je le prouve encore, c'est donc clairvoyance, quoi. Ah non, c'est fort. C'est bon, là, t'as juste, là, je mange que des durums, des burgers et j'arrête pas de grossir. Putain, c'est la merde. Vas-y, oh, continue. Oui, un ballon de douche. Ensuite, avec ta copine, écoute, ouais, il y a une continuité, mais il y a les 3 mois qui ressortent. Il y a eu quelque chose il y a 3 mois ensemble? Non, non, surtout que ça fait même pas un mois, vendredi ça va faire un mois, donc... Ok, alors pour moi, la période des 3 mois, c'est-à-dire que dans 2 mois, vous aurez une remise en question tous les deux. Ah ouais? Oh, le pauvre. Une remise en question qui sera fatale pour le couple? Ouais. Ah bon, putain. Bah frérot, profite bien quoi. Oh merde. T'as pas d'autres bonnes nouvelles comme ça ou... Non, il suffit toi, si tu te remets en question, ça peut durer. Je te dis pas que ça va s'arrêter, c'est juste une remise en question. Non mais d'accord. Ça se remettre en question, Sandro, ça fait depuis le début de l'année qu'on lui dit. Enfin bon, on a vu les scores. Ça fait 20 ans que je me remets en question, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Bon, Alex, il y a plein de questions pour toi au 02 851 4x0. Il y a Samy qui est là. Salut Samy. Hello Sam. Bonsoir. Bonsoir Samy, comment ça va? Eh, hey, Samy Descudo. Mais ça va très bien. Bon, tu connais Sandro, le relou de la Power? Oh là là. Je connais. Le baraki. Comment lui peut être encore là, lui? Et tu nous écoutes souvent, Samy? Bah ouais. Non, bah tu déchires, Samy. Tu fais quoi dans la vie? Bah dans le système scolaire, j'ai envie de dire. D'accord, tu niques le système quoi. T'es un thug. Voilà, c'est ça. Ouais, je me gueule. Bon, Samy, t'as une question à poser à Alex et ça concerne ta santé, c'est ça? Voilà, ouais. Alors vas-y, je t'en prie. Bah voilà, moi ma question, en fait, c'est question santé parce que je suis un petit peu paranoïaque et je voudrais savoir ce qui va m'arriver donc au niveau santé. Ok. Ta date de naissance, Samy? Alors, le 11 avril 2001. 2001? Ouais. Ok. Alors, bon, déjà par rapport à ta santé, je Je vois pas de choses dramatiques, enfin, je ne vois pas de maladie sur toi, mis à part des traumatismes ou cette paranoïa que tu fais vivre en toi, mais il n'y a pas quelque chose de en tous les cas d'alarmant. Il semblerait que l'affectif, par rapport à ta vie sentimentale, tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'apporter un équilibre et qui va pouvoir soit t'aider à gagner en confiance et à éliminer petit à petit cette notion de paranoïa, tu vois. Mais par contre, il y a l'adolescence qui ressort. Et est-ce que tu as eu un départ dans la famille où il y a eu un traumatisme? Non, enfin, je vois pas. Vers les 11 ans. J'ai pas compris, en fait. À tes 11 ans, ou à peu près à cette date-là de l'âge, est-ce que tu as eu au niveau familial un traumatisme, soit le départ de quelqu'un ou un changement de lieu qui t'a fragilisé? Oui, j'ai eu des petits soucis avec mon frère. Ouais. Ton frère, qu'est-ce qu'il a eu? Il a fait un petit séjour en prison, quoi. Donc, voilà. D'accord. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un traumatisme familial qui, en tous les cas, a créé chez toi ces angoisses et cette notion de paranoïa. Mais franchement, ça, avec le temps, les choses vont petit à petit s'éliminer. Mais je ne veux pas de maladie. Tu n'as pas de maladie? Je suis non-voyant, mais à part ça, non, pas de soucis. D'accord, mais ok. Mais pour moi, il y a une continuité sur la santé dans laquelle tu es aujourd'hui et il n'y a pas de gravité qui s'annonce. Hein. D'accord. Non. Bon. Bah voilà, Samy. Bah, en tout cas, Samy, prends soin de toi, d'accord? Soigne-toi bien et je te souhaite le meilleur pour la suite, frérot, ok? Tu reviens quand tu veux dans l'émission. Merci. À bientôt, Samy. Salut, Samy. Yes, 02851 4x0 pour faire comme Samy. Pour venir poser votre question à Alex D qui est avec nous pendant une heure, hein, comme chaque mercredi, c'est la voyance en direct sur Fun Radio. Il y a Grégory qui est là, 35 ans, à Wavre. Comme j'aime ce prénom, quel beau prénom. Bonsoir, oui, Greg. C'est le prénom du patron, je sais. D'accord, comment tu sais? Bah oui. Mais c'est le patron. Sache-le, tu es le patron peut-être. Non, du tout, c'est pas une blague, non. T'arrêtes de te foutre de la gueule des gens, toi, je m'attends. Non, c'est son rire. Ta gueule, ben non, Mike. C'est vrai que ton rire. On a la meilleure. Ouais, non, ok. Je laisse parler, ouais. Bon, non, mais Grégory, c'est toi qui a la parole dans cette émission. Tu veux poser une question à Alex? Une question importante. Bon, voilà, alors j'ai un gros souci avec ma meuf. Bon, alors déjà, j'ai 35 balais. Ouais. Mmh. Alors je suis né le 18 avril 81. Oui. Et ça concerne quoi? Vas-y, pose ta question derrière et Alex y répondra dans 3 minutes. Ah d'accord, ok, d'accord, ouais. Ma question, ma meuf elle a 25 ans plus que moi. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Que ça fout. Et puis là ça fait 4 jours que j'ai plus de nouvelles. J'aurais pas d'appeler. Je flippe d'abord. Ouais. D'accord. Et tu veux avoir des nouvelles par Alex? Je m'imagine pire parce qu'elle est sur BX là. Je sais pas moi, je vais faire rosser par un tram. Bah non, mais c'est pas parano. T'inquiète, Greg. Alex va répondre à ta question dans quelques instants, ok? Tu bouges pas? Ouais. Bouge pas, wow. Greg. On se fait ça dans 3 minutes sur Fun Radio juste après un gros classique. Ah ouais? Michael Jackson sur Fun Radio. Montez le son à fond, faites-en profiter tout le quartier. On est là. Don't Et on est sur Fun Radio en direct, minuit 24. Michael Jackson, l'un de ses plus grands classiques. Ah, on se la fait jusqu'au bout, j'en ai rien à foutre. Et c'est un classique que vous voulez vous écouter ce soir là, comme ce classique de 1995, vous m'en faites la demande 3044 sur l'SMS. C'est l'Open Space sur Fun jusqu'à 2h du matin en direct. Turn up the radio. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. On est là avec Jonathan, avec Coralie, ouais, qui décroche au 02851 4x0, avec Sandro qui nous fait l'amitié d'être là encore pendant quelques minutes, le poteau de la Power. C'est en direct du club Bellambra d'ailleurs toute cette semaine, hein, la Power. Exactement. Avec Audrey, avec Bellambra, Fab. Seignos. Et comme Evan que vous retrouverez demain des 6h. Il vous reste deux émissions, vous, c'est ça, avant les vacances? Exactement, il reste deux émissions pour Evan et la tribu, puis pour la Power avec Audrey. Ouais, ouais, la tristesse. Putain, j'aime pas les vacances, ça me fout, on rassera. Bon, il y a Alex D qui est là, notre voyant, je rappelle. La page Facebook, Alex D, coach de vie. Alex qui sera d'office de retour à la rentrée si on est re-signé. Ok. Je sais pas, t'as l'air motivé. Ouais, t'as l'air enchanté, ouais. C'est vrai qu'on a pas parlé du budget. Mais bien sûr, mais j'attends votre réponse définitive de me dire. Oui, c'est bon. Mais moi, Alex, j'ai toute confiance en tes qualités de voyant et en ta clairvoyance. Donc si tu me dis que c'est bon, je te crois sur parole. J'arrête de m'inquiéter. Mais alors, je suis d'accord avec toi, mais j'ai un côté rationnel qui me dit, je suis un peu comme Saint Thomas. Tant que je n'ai pas eu la confirmation, je... C'est rassurant parce que tu nous dis, mes dons me disent que oui, mais j'ai quand même un côté rationnel, j'ai des oreilles, donc je suis pas sûr. Mais pas du tout. Mais Mike, c'est pas moi le boss. Donc moi, je te dis oui, mais c'est pas moi qui le valide. Oui, bah, malheureusement, on l'embrasse, le patron. Normalement, il m'a dit, normalement, semaine prochaine soir, donc on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux de l'émission et sur le Facebook Mike Open Space. Mais demain, de toute façon, rien à foutre, je vais monter dans le bureau. Ah ouais? Et je vais faire un live Facebook en même temps. Mais non. Pourquoi pas. Peut-être pas de live Facebook. Sans déconner, demain je monte au quatrième. Mais par contre, tu peux mettre le dictaphone sur ton téléphone et enregistrer la conversation. Ça peut être et l'envoyer aux zappeurs fous. Très bonne idée. Greg est là, 35 ans au Havre, pour poser ta question, Greg, à Alex. Ouais. Mais cela dit, encore faut-il avoir vu Saint Thomas pour y croire. Hein. Oui, vous avez décidé de faire l'escalade de l'humour ce soir, les amis, entre Sandro et toi, Greg, j'en peux plus, je suis au BDR. Tu me donnes le sourire, parce que vous êtes là, parce que vous. Ouais, parce que sinon, si vous n'êtes pas là, ou alors, je déprime, quoi, grave. Non, merci beaucoup, mon pote. Merci beaucoup, ça fait plaisir, en tout cas, Greg. T'as une question à poser à Alex, une question hyper importante concernant. Voilà. Ouais, alors, vas-y. Je suis super excité parce que, voilà, ma meuf, ça fait 4 jours, enfin, donc, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, et là, ça fait 4 jours que j'ai plus de nouvelles. Je suis chez elle, portée là comme un con. Et elle est sur BX, ça, je crois. J'arrête pas de l'appeler depuis 4 jours. Ça sonne. C'est pas son genre. C'est pas normal. Elle n'a pas jamais fait un truc pareil. Je flippe à mort. Donc voilà. Alors elle a 60 ans, moi j'en ai 35 et je l'aime à mort. Donc, ah ouais, d'accord, voilà, okay, Greg. Et t'es sûr qu'elle a pas l'Alzheimer et qu'elle t'a pas oublié? Non, t'inquiète pas. Elle est canon. J'espère que t'as pris un viager sur sa maison, moi, quoi, Greg. Je suis parti chez elle, et ouais, voilà. Et elle, bon, je sais pas où elle est, quoi. Après 4 ans, là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois appeler les flics pour... Greg, si tu laisses pas Alex répondre, il pourra pas te répondre, frérot. Ouais, mais appelle pas Shane, par contre, ça servira à rien. Ouais. Je pense qu'Alex a besoin de ta date de naissance, mon Greg. Le 18 du 4, 81. D'accord. Et celle de ton ami? Ta meuf? Le 22 du 2... Non, le... Pardon. Oh là là. Oui, non, le 22 du 2... 56. 56, très bien. D'accord, mais il ressemble à... Il fait penser à Eric. C'est ce que j'ai dit aux antennes. Greg, putain, tu ressembles à Eric. Il a la même voix. Il sera de retour et il vient pour la dernière demain, Eric, avec les gens de l'Open Space. Hein. D'accord, ouais. Alors, vas-y, alors, Alex, Greg, je t'en prie. Alors, c'est bizarre parce que quand même, il ressort. C'est comme si tu avais eu des petits avertissements de son comportement, de son attitude auparavant. Et tu les as peut-être pas. Tu n'as pas pouvoir les percevoir. Juste une seconde. Elle s'est barrée parce que j'écoutais Feu de Radio. Hein. Ah. Pardon. Ah ouais. Tout ce qu'elle aide, c'est le Dominique chez Vince. Et après, elle se barre. Et nous, elle nous aime pas. Quand je fais Mike au Space, annonce va encore durer jusqu'à 2h du matin. Alors, voilà, elle a plus. Attends, excuse-moi, excuse-moi, comment tu dis Mike Open Space? Mike au Space. Mike Space. Mike Space. Mike Space. Mike Space. Mike Space. Mais ça se trouve, c'est ça. Attends, je viens de penser un truc. Ça se trouve, c'est ça le problème. Parce que Médiamétrie appelle les gens. Qu'est-ce que vous avez écouté hier? Si les gens disent Mike Space. Ouais, non, voilà, donc, ouais, oh non, c'est Michael Space, les voisins gueulent, on se retape. Elle prend sa valise, elle se barre, et c'est pour ça qu'elle s'est barrée d'ailleurs. Putain, je suis désolé. Donc là, ah oui, grave, ouais. Je suis désolé, Greg. Mike, prison de Non, je suis pas désolé, je suis ton taf, quoi. Mais c'est ce qui se passe réellement, ouais, clair. Ah ouais, bon, ah, ta meuf, t'es toute à cause de moi. Bon bah écoute, je vais essayer de remplacer ta meuf, mais je suis pas sûr de pouvoir faire tout ce qu'elle faisait, je suis pas convaincu. Ah, t'as des capacités, Mike. Ah bon? Même toi, tu le sais pas, mais moi, je le sais. Ah bon, très bien. T'es bien informé, dis donc, Jonathan. Ah bon, on va laisser parler... Ouais, merci Greg. C'est toi qui vas nous remplacer la saison prochaine, Greg. Je sais pas, tu me. Bon, allez, Alex, je t'en prie, réponds. Ah, je vais bien, y'a pas de soucis. Surtout pour annoncer le. Surtout pour annoncer ouais, sérieusement, ouais. Je suis à mort là, franchement. Bah, en tout cas, j'ai pas dormi, j'ai pas bouffé, ouais. On sent que t'es un peu inquiet, Alex. Ok. Alors, si tu veux, pour moi, tu vas avoir des nouvelles. Il y avait des signes avant-coureurs. Qui ont montré, mais peut-être que toi tu ne les as pas vus ou t'as pas voulu voir ou entendre certaines choses sur lesquelles elle avait besoin de prendre un peu de recul. Pour moi, ton histoire n'est pas terminée. Elle est juste en période soit de réflexion ou de recul et elle est dans un... On dirait que géographiquement, elle s'est déplacée. Donc elle est soit autour d'un entourage, en présence d'un entourage, mais tu devrais... Enfin, je ressens que tu vas avoir des nouvelles de manière très rapide. Elle te teste aussi un petit peu, hein. Pour moi, tu as eu quand même ces dernières semaines où, notamment ces deux derniers mois, des comportements qui l'ont un petit peu fatigué. Votre relation, elle a toujours été sans embrouille, tout s'est passé bien jusqu'à présent. Allô, oui. Ouais. Ça veut tout dire, ça. Non. Non mais on s'adore quoi, c'est ça le truc. Voilà, on s'est vu la dernière fois, on s'est vu place Catherine dimanche soir. Moi j'ai repris le train pour Havre et depuis lors j'ai plus de douane. Oui, mais tu as des exigences vis-à-vis d'elle qui jusqu'à présent peut-être par rapport à votre différence d'âge, ça lui a apporté une fraîcheur ou autre, mais elle fatigue un petit peu par rapport à ton rythme, il faut te canaliser un petit peu. Il y a un côté trop speed chez toi et qui fait que à ce jour, elle a un besoin de prendre un peu de recul. Ah bon, oui, c'est ça quoi. Ouais, des nouvelles, quoi, parce que moi je flippe, quoi. Moi tu viens comme un trou de balle chez elle, là, tout seul, je sais pas où elle est, j'aurai pas de téléphoner. Non, moi pour moi elle est avec un entourage, elle a décidé soit de partir quelque part ou de s'entourer de d'autres personnes. Ça m'étonnerait énormément, ça m'étonnerait qu'elle me trompe. Ça c'est le vrai. Mais qu'elle te trompe, ouais, mais je te parle d'un entourage. Ouais, mais bon, ouais, l'entourage, il est pas glorieux. Tu couches avec ton entourage? Oh, il est pas fameux. Mais enfin non, en même temps, elle a pas d'entourage. Le truc c'est que moi j'ai peur qu'il lui est arrivé quelque chose. Et comme je suis pas habitué chez elle, on ne téléphonera jamais pour me dire ouais, il lui est arrivé ci ou là, c'est ça le truc. Non. Je ressens pas un danger sur elle. Je ne ressens pas, je sens juste un besoin de recul, tu vois, et voilà. Mais ça n'a pas lié, ce n'est pas lié à une tromperie. Pour moi, elle a. Sous 48 heures, tu vas avoir des nouvelles. Et j'aimerais bien que tu nous en informes. Alors, tu nous en informeras par mail, parce qu'on sera plus là dans 48 heures, Greg. Mais avec plaisir, frérot, tu nous tiens au courant, d'accord, Greg? À moins qu'il la retrouve d'ici. Ouais. Bon, je t'embrasse. D'accord. Mon pote, et t'en fais pas. Alors, si Alex te dit que. Et Mike, j'adore, et puis. Merci, mon pote. Vince, vous êtes deux dieux, la radio. Arrête. Restez, hein. Bah, c'est toi qui déchire, Greg. Je t'en remercie, mon pote. Ouais, vous me dégager. Bah ouais, si tu veux, carrément, j'ai une place de sniper pour la saison prochaine, si tu veux. Ça t'intéresse ou pas, pour faire des vlans à l'antenne? Ouais. Parce que le mien me casse les couilles. Bon, y a pas de soucis, Greg. D'accord. Non, raccroche pas, je t'envoie ce qui peut te faire plaisir, ok? D'accord. Et tiens-nous au courant quand t'as retrouvé ta meuf, Grégos. Bah ouais, ok. Bah ouais, à bientôt. Merci en tout cas. Merci à toi, mon Greg. Il ressemble vraiment à Greg. Il me fait vraiment penser, Eric. Ah ouais, je te jure. Salut Greg, tu reviens quand tu veux dans l'émission. 02851 4x0 pour faire comme Greg, pour venir poser votre question à Alex D qui est avec nous. Je rappelle la page Facebook Alex D coach de vie. Il y a Françoise qui veut passer dans quelques instants. Coucou. Salut Françoise, coucou. Ça va Françoise? Ça va. Eh, bienvenue Françoise, tu veux poser une question? Une question qui concerne la santé et l'amour. Par rapport à... Pardon? La santé et l'amour, c'est ça? Oui, c'est possible. Pas. Ben, bien sûr que c'est possible. Ne bouge pas, Françoise. Vous tous et vous tout en direct, la voyance en direct. Maître Kevin qui arrive aussi. Et Galantis sur Fun Radio, c'est No Money dans l'Open Space. soir. Ça ira, ça ira, ça ira pour ce soir. Les compliments n'ont pas d'effet, mademoiselle a l'habitude qu'on lui parle en chiffres. Sentiments ralentissent, tu t'effraies peu à peu comme un morceau de chips. Donc elle m'a demandé un selfie, elle était belle comme une elfe. Le complément n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le Merco. Elle m'a demandé un selfie, elle était belle comme une elfe. Le complément n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le 6-5. Radio minuit 58, merci de nous avoir choisi les amis, c'est l'Open Space avec vous tous et vous tout en direct au 02 851 4x0, par SMS 3044 pour envoyer des messages. Ce soir c'est 50 centimes par envoi. Il y a RS Treffy pour la suite du son dance floor. Bonne bonne sur Fun Radio, il y a toute l'équipe qui est là, il y a Alex D également, notre voyant. Ouais. Alex D, coach de vie, c'est la page Facebook. Frérot, ouais, putain, et Alex, il s'en est bien sorti au pronostic du Loto Foot Jonathan. Il s'en est bien sorti sauf le dernier jour, ouais, en fait. Alex avait tout bon, c'est ça? Il avait tout bon sauf qu'à. Jusqu'à lundi. C'est-à-dire que lundi, il avait pronostiqué Espagne et Angleterre gagnantes et l'Angleterre et l'Espagne se sont fait sortir. Il fallait le voir que l'Espagne allait se faire sortir et que l'Angleterre. Surtout l'Angleterre, fallait le voir. Face à l'Islande, ils l'ont pas vu, hein, je crois. Ah ouais, ils sont déconnés, ouais. Bon, Alex. Franchement, on était sur le cul. Il va pronostiquer le match de demain d'ailleurs, Alex, tout à l'heure. C'est vrai que sur l'Angleterre, je me suis planté, mais l'Espagne, j'ai eu un doute et j'aurais dû suivre mon hésitation, quoi. En tout cas, tu voyais la Belgique en quart de finale, c'est réussi. Non, il voyait pas passer les huitièmes au début. Ah. Mais j'espère qu'elle arrivera plus haut que le quart de finale, parce qu'en tout cas, c'est une équipe qui le mérite. Donc tu revois ta prévision? Moi j'aimerais bien France-Belgique, ce serait génial. En finale, ce serait parfait. On se l'est dit. Ce serait magnifique. Ouais, quand la Belgique a mis 4-0, on se l'est dit entre nous avec toi et Coralie. Ce serait merveilleux, mais je pense que la France se prendra clé dans ces cas-là. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi au 30-44 vos pronostics pour un match France-Belgique en finale. Je pense que ce serait compliqué pour nos amis français. Sur tout le niveau quoi, en ce moment. Sandro, je te remercie, frérot. Bah écoute, ouais, si tu veux, sinon je pouvais encore rester un petit peu. Mais tu sais qu'il y a Maître Kevin qui prend la même ligne que toi, ah, mon pote. Oui, c'est ça, exactement. Tu m'as parlé de ce Maître Kevin. Bah écoutez, exactement. Les gars, en tout cas, c'était un grand plaisir de faire partie de cette avant-dernière émission. Et puis, partagez mon sang. Une bonne continuation pour jusque demain, en fait, voilà. Merci. J'ai cru qu'il allait me dire bonne continuation pour la suite. Ouais, ça résume un peu la chose aussi. On se fait un pot de départ. Ouais. Non mais ouais, ça d'office on va déjà boire un pot, peut-être pas un pot de départ parce que voilà, on ne sait pas de on quoi il fait demain, ouais. dans toutes les situations, je suis pas voyant, donc je ne peux rien te dire de ça. Je travaille pas pour la direction de Fun Radio, mais en tout cas, c'est un réel plaisir de bosser avec vous, les gars. Et puis, je croise les doigts pour voir vos petites têtes à la rentrée, en tout cas. Et ben merci, mon Sandro. Et en plus, Sandro, je me rappelle, c'est le premier, c'est celui qui m'a accueilli à Fun Radio. Ah ouais, je suis arrivé en août. J'étais pas tout seul à l'époque. J'étais avec une personne très imposante. Et Sandro, je me rappelle, il nous a accueilli, nous s'est super bien accueilli, frérot. Et je te remercie pour tout, mon Sandro. Et, ouais. On se revoit en septembre. Par contre, ouais, c'est ça, on se revoit en septembre. Non, enfin, ouais, niveau à la radio. Mais par contre, tu fais quelque chose samedi? Vous faites quelque chose, les gars, samedi? Qu'est-ce qu'il y a de prévu de samedi? On est à Gare au Roc, normalement, tu sais, à Marmande, dans le sud de la France. Ouais, près de Bordeaux. Pourquoi? Il y a quoi de prévu? Excusez-moi. Non, mais ça va, excusez-moi, les gars. Non, mais dis-moi, non, il y avait une soirée à Bruxelles, mais voilà, si vous êtes à Bordeaux. Elle est où la soirée? Elle est au You. Allez au You. Je connais bien, ouais, on sera au You dimanche d'ailleurs, Coralie. Tu viens au You dimanche? Bah oui, pour fêter mon début de morning, évidemment. Ouais, très bien. Et bah, tu sais quoi, il y a open bar? Ah, apparemment, Coralie, il y a Mike qui te parle là. Non, je parle. Bon, frérot. Je pense qu'on perd la connexion, les gars. Merci, mon Sandro, merci pour tout. Et tu fais un gros bisou à toute l'équipe du morning demain matin. Ouais, à Evan, à Justine, à Khalid. Bah, tu leur fais un gros bisou demain matin. Demande à Evan de répondre à mes messages Facebook, s'il te plaît, parce que voilà. Merci. Okay, voilà. Chose à foutre que recevoir tes avances par Facebook. Hein, non, c'est pas des avances, on parle d'autre chose. S'il peut commander du papier toilette également, ça m'arrangerait pour les toilettes de la cave, il y a plus rien. Merci, voilà, dans les messages. Allez, gars, arrêtez de chier. Aussi à un moment donné, enfin voilà. Non, c'est pas vraiment ça. Arrêtez de chier, ouais, mais c'est Vince, il nous fait chier. Bah, voilà quoi. Non, je plaisante, c'est une vanne. C'est une vanne. Prends le t-shirt de Coralie, ça va plus vite. Bon, bisous, mon Sandro. Allez, gros bisous, les gars. Bonne continuation jusque 2h. Et puis, bonne fin d'émission. Enfin, bonne dernière pour demain. Eh bah, merci. Merci. Merci, frérot. Allez, et bonne déloc, mon Sandro. À bientôt. C'était le revoir le plus long de la radio, je crois. 1h02 du matin. Alex D, coach de vie, ta page Facebook. Alex D, puisque tu es avec nous encore pendant quelques minutes. La voyance en direct, comme chaque mercredi. 02 851 4x0. Françoise, tu voulais poser une question à Alex? Oui. Eh bien, Alex, t'écoute. Bon, moi je suis née donc le 9 du 11 63. Oui, et deux questions. 9 du 11 63. Oui. Scorpion. D'accord, c'est cool. Et moi, voilà, t'as quelle est ta question? Pardon? Ta question, Françoise. Oui, donc j'ai fait une thrombose il y a un an, j'ai toujours des problèmes circulaires et je me demandais comment j'ai la trouille, je suis très nerveuse, si ça allait s'améliorer ou pas, si c'est voir ça dans ces cartes. Ok, et je peux avoir une traduction s'il vous plaît? Traduction de... J'ai pas compris, excusez-moi François. Donc, j'ai des problèmes de circulation suite à une thrombose. Hein? Ah, ça peut être sanguine, tu veux dire? Voilà, oui. D'accord. Et si tu peux voir ça dans tes cartes, parce que les cartes, je ne sais pas les faire, et j'ai un gros problème mental depuis que je suis petite, c'est que, je suis somnambule, je parle la nuit, hein, et je vois des choses pour les autres, et on ne veut pas me croire. Et quand ça arrive, il est trop tard. Ouais, t'es voyante aussi un peu. Ok, mais... Mike, est-ce que je peux avoir de l'aide? Je comprends pas bien. Oui, Alex, pardon, tu me dis? Je peux avoir de l'aide, je comprends pas, parce que j'entends pas bien ce qu'elle me dit. T'entends pas, alors François? Donc, je dis que depuis que je suis petite, je fais le surnambule, je parle la nuit, tout haut, oui. Forcément, et depuis que je suis jeune, je sais des choses, je le dis aux personnes concernées. Qu'il va arriver quelque chose, malheureusement, c'est souvent des malheurs, et on ne croit pas. Mais quand ça arrive, eh bien, on me dit, on me traite de vaudou, de sorcière. Mais t'as des dons, en fait, François, c'est un peu comme Alex. T'arrives à voir l'avenir. T'as des prémonitions. C'est ça que, depuis que je suis petite. Hein. D'accord. Mais quelle est ta question, Françoise? Ah, ben, moi, c'était mon problème de santé, donc circulatoire et nerveux. Ouais, ça n'a rien à voir, Françoise, ma chérie. Pose clairement ta question, sinon Alex va pas savoir y répondre. Alors Alex, niveau santé, Françoise, ça va donner quoi? Est-ce que je pourrais avoir sa date de naissance? Le 11 du 9 63, c'est ça, Françoise? Oui. Ah, ok. Bon, en tous les cas, pour moi, ça reste stationnaire au niveau santé. C'est-à-dire que je ne vois pas pour l'instant de dégradation, je vois pas vraiment d'amélioration, il y a quelque chose qui se stabilise. Il y a eu un changement, on dirait, au niveau médical, soit d'un traitement ou d'un, même ça peut être aussi avec un médecin, où on dirait qu'il y a une phase de changement à ce niveau-là. Est-ce que c'est en pourparler ou est-ce que c'est d'actualité de changer de traitement ou... Françoise. Françoise, est-ce que tu peux répondre à la question? C'était d'actualité ou pas de changer de traitement? Oui, je réponds. Oui, en traitement, je suis toujours pour le problème circulatoire, mais j'ai un problème aussi de dos. D'accord. Ok. On fait vite. Alors, Alex, moi, je vois pas. Bon, je veux pas être pessimiste, mais je crois que c'est quelque chose que tu portes en toi. Il faut y apprendre à vivre avec ces problèmes-là de santé. Ça ne se dégrade pas pour l'instant. Ça reste dans une continuité. D'un point de vue médical, il me semble qu'il y a un bon suivi médical. Maintenant, je ne suis pas médecin pour donner le diagnostic, mais en tous les cas, il faut faire confiance à la médecine. Il semblerait qu'il y ait d'autres avis qui peuvent se faire par la suite. Il y a un autre médecin, et c'est particulièrement un homme, qui pourra avoir peut-être une petite amélioration dans les 2 ans à venir. Ceci étant, après, au niveau du dos, c'est un peu plus compliqué au niveau du dos. Il peut avoir une intervention hospitalière qui peut s'envisager. Alors je la sens pas tout de suite, mais dans le temps j'ai l'impression que on pourra te suggérer de te faire opérer. Voilà Françoise. Bon ben Françoise, je te souhaite un bon rétablissement. En tout cas Françoise, soigne-toi bien, d'accord ma chérie? D'accord. Et tu reviens quand tu nous donnes des nouvelles à la rentrée Françoise, ok? Ah oui, bien sûr, mais je reste toujours avec vous. Eh bien, si on est là, Françoise, tu nous rappelles. Ok, ma chérie, je te fais des gros bisous, à bientôt. Des gros bisous. À bientôt, Françoise. Tu reviens quand tu veux dans l'émission 02-851-4x0 pour faire comme Françoise. Le numéro qu'a composé Dylan, qui est avec nous. Bonsoir, Dylan. Bonjour. Bonsoir, Dylan. Tu veux savoir si tu vas nous remplacer? Non, pas spécialement, parce que vous êtes une super bonne équipe. Oh, tu déchires, mon Dylan. 16 ans, t'appelles de Liège et tu veux poser une question sur ton avenir sentimental, professionnel, sur quoi? Sur mon avenir de foot. Ah, t'es joueur de foot? Ouais, je vais peut-être recommencer avec une équipe cool, de D3 amateur. Et tu veux savoir si tu vas percer ou pas? Bah bouge pas Dylan, on en parle avec Alex D, tu vas pouvoir lui poser ta question dans quelques secondes. Vous tous et vous tous okay. En direct, libre antenne sur Fun jusqu'à 2h, voici Race Treffy. The nuts is buns, buns, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. Get the chitty, dun, dun, dun. King of the kiš. Vom drugu će mamu kore priše priš. Ja man si, ja ma ane. Se kurv dof, ne her, ja ma no can day. Are you ready? Une galère, appelez l'open space. Go! 02 851 4x0. Mais soyez bons. Et on est en direct sur Fun Radio, 1h11 du matin. Merci de nous avoir choisis, les amis. On est ravis de passer une partie de nos nuits avec vous. Ouais. On a une pensée pour celles et ceux qui sont en train de bosser ce soir. Les personnes en mode insomnie aussi, peut-être en mode révision, là, les tout derniers là, qui ont pas fini les examens. Ouais, non, je pense que c'est fini là pour à peu près tout le monde, les examens. Bah, je pense que les résultats, les derniers résultats seront tout à l'heure là. Bon, bah écoutez, bon courage si vous attendez des résultats là, si vous êtes en insomnie, si vous êtes en déprime aussi. On essaye de vous arracher un petit sourire jusqu'à 2h du matin. C'est l'Open Space avec Mike Posner dans quelques instants. I took a pill in Ibiza. Il y aura le nouveau Willy William, Chris Cap, ça c'est une grosse tuerie, grosse découverte. Fun Radio, je vous passe Paris dans quelques instants sur Fun. Et Dylan qui est là pour poser sa question à Alex D, notre voyant, Alex D, coach de vie. C'est la page Facebook, allez faire un tour pour prendre rendez-vous avec Alex. Dylan ? Oui. 16 ans à Liège, mon frérot, tu veux poser une question concernant ta carrière sportive, c'est ça ? Ouais. Alors vas-y, je t'en prie, Alex, écoute. Alors, Dylan, ta date de naissance ? Le 11 du 4 2000. Et donc ta question c'est... C'est pour voir l'évolution sportive, hein ? Voilà. Tu joues pour quel club, Dylan ? Bon. Le Real Hazard à Rotten. D'accord, ok. Y'a du soleil et des nazards, da, da, di, da, da, da. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Allez, il fallait prendre la place. Hein. Dylan, est-ce que tu es insatisfait de tes performances là, de ces dernières semaines ? Sportif. S'il vous plaît ? Est-ce que tu es insatisfait ? Est-ce que tu n'es pas satisfait de tes performances de ces dernières semaines ? Non, ça va, je suis satisfait. Ok. Il y a une petite légère baisse qui s'annonce pour toi, mais c'est juste une tendance. C'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Il y a un état de fatigue qui apparaît physiquement. Maintenant, tu as de réelles capacités en termes d'évolution. Et pour moi, on dirait que c'est une voie dans laquelle tu vas de plus en plus vouloir t'engager. Donc je vois, même au-delà du côté amateur, je sens que tu as des capacités, tu as des possibilités, mais à toi, peut-être, de mieux te gérer, de faire attention même peut-être à certains abus, ou d'avoir une rigueur sur toi qui me semble aujourd'hui ne pas être, tu vois. Donc ça manque. D'accord. Oui. Ensuite, tu dois faire attention aussi au niveau de l'entourage ou au niveau des influences que tu as autour de toi et qui peuvent un petit peu te détourner de ta concentration avec la notion du sport. Mais en revanche, il y a une très bonne réalisation pour toi, c'est très positif et tu as une très belle progression dans ce secteur d'activité, enfin de sportif. Bon, bah on te souhaite une longue carrière en tout cas, Dylan. C'est ouais. Quoi ton nom de famille, Dylan ? Parce que les joueurs de foot, on les appelle par le nom de famille. Miss Atem. Ah, Miss Atem. Mais t'es déjà passé à l'antenne, non ? Ouais. Ah ouais, très bien, je me rappelle. T'étais passé dans l'ambiance aussi, ouais. Justement, Dylan, est-ce que, puisque t'es déjà passé, est-ce que ça confirme ce que je t'ai dit la dernière fois ? Le match, ouais, ça a été. Ça a été, bon. Bah, Dylan, on te souhaite une longue carrière en tout cas, ok, frérot ? Merci. Bon, et tu te souviendras de nous quand tu seras connu, hein ? Ouais, ouais. Ouais, je compte sur toi, mon Dylan. Quand tu seras numéro 10 du Barça, là, tout ça. Et le numéro 10, Miss Etienne qui rentre en piste, il va marquer le but, il marque le but, et c'est le but, hein ! Miss Etienne, c'est la Champions League, Miss Etienne, c'est la Champions League, bla bla bla bla. Merci. Bonne soirée, frérot. A bientôt, Dylan, je te repasse coucou, raccroche pas, mon pote. Alex, tu restes avec nous encore, il y a Kelly qui veut passer. Salut, Kelly. Bonsoir. 26 piges, Carolo, ça va ou quoi ? Ça va et vous ? Comment on va se faire le roi ? La fréquence à se faire le roi, 103.5 pour nous capter. On vous big up si vous êtes là-bas. Kelly, tu as passé une bonne journée ? Oui, très bonne, merci. T'as fait quoi ? J'ai été pour des cours comme je suis non-voyante en fait. T'es non-voyante ? Très bien. Oui, je suis passée à l'antenne la semaine passée et Alex m'avait dit que je pouvais repasser pour poser ma question. D'accord. Cette semaine. Ah oui, c'est vrai, il t'avait même proposé un rendez-vous, c'est ça ? Oui. Et vous n'êtes pas parlé hors antenne ? Non, j'ai pas eu l'occasion. Ah bah pourtant Coralie devait te filer les coordonnées. Bon bah très bien, tu vas le faire dans quelques instants. Oui, elle m'a donné l'adresse, mais j'ai pas eu l'occasion de parler à Alex hors antenne. D'accord, bon tu lui poses ta question dans quelques instants. Kelly, ne bouge pas. Vous tous et vous toutes en direct sur Fun Radio 02 851 4x0. Il reste peut-être une place là pour la voyance en direct. Il y a Maître Kevin qui arrive aussi, l'autofoot à faire avec lui. On va se faire un gros mytho avant 2h. Je vous rappelle le concept du gros mytho. Chaque animateur est venu avec une anecdote. Une seule de ces anecdotes est vraie. À vous de démasquer le vrai du faux. À vous de trouver qui dit vrai pour repartir avec du cadeau Fun Radio. Vous inscrivez 6322, vous débutez le message par M-I-K-E. 2 euros par message. Voici Mike Posner. To show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove. I'm a real big baller cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul. Sad soul. Darling, oh, I know a sad soul. Sad soul. Reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me. Never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage. Stuck up on that stage singing. Oh, I know sad songs. Sad songs. Darling, oh, I know sad songs. Sad songs. Et bonne nuit sur Fun Radio. Deux émissions avant la fin de la saison, 1h19 du matin. On est en live, c'est l'Open Space. Are you ready? Une galère, appelez l'Open Space. Go! 02 851 4x0. Mais soyez bons. Libertad, vamos a la get down ensemble jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio. Vous débarquez 02 851 4x0, SMS 30 44, 50 centimes par envoi. Il y aura Willy William dans quelques secondes. Le nouveau Willy William, on a été la première radio dans toute la Belgique à vous le jouer encore. Ça s'appelle Paris. Ouais. Ah c'est bon ça. Paris, Paris plutôt. C'est la fin de la saison, excusez-moi, je n'arrive plus à parler. Willy William, Paris avec Chris Cap d'ailleurs sur le son, c'est dans 5 minutes, il y a un son que vous voulez vous écouter. Vous m'en faites la demande au 3044 puisqu'on est dans les sons Paris. Il y aura Slimane aussi, juste avant 2h du matin. Panam, il y aura Justin Timberlake, le nouveau Calais, Just Can't Stop the Feeling. Et puis Sigala, puis tous les sons que vous voulez vous écouter. Les amis, Kelly est toujours là. Oui. Pour la voyance. Kelly, tu veux poser ta question à Alex D. Tu seras la dernière d'ailleurs ce soir à passer dans la voyance en direct. La dernière de la saison d'ailleurs pour la voyance. Avec la page Facebook, je vous rappelle qu'il faut aller visiter la page Facebook d'Alex D. C'est Alex D, coach de vie. Kelly, tu veux poser une question sur ta santé aussi? Non, je veux poser une question par rapport à mon travail. Je t'en prie, Alex, t'écoute. Bonsoir, Alex. Bonsoir, Kelly. Bah, en fait, voilà, moi, je voulais te demander, pour l'instant, je trouve pas de travail. Oui. Et je voulais te demander, avec mon handicap, est-ce que je vais trouver quelque chose et dans quoi, voilà. Ok. Ta date de naissance, Kelly ? 21 du 10, 1989. 21 octobre, hein ? Ouais. D'accord. Alors, pour moi, il y a quand même une petite instabilité au niveau... Certains petits moments, on dirait que tu es en phase de recherche. Il y a une personne d'un entourage, mais qui a rempli un dossier ou qui a, au travers d'un organisme. Tu as fait une demande pour intégrer un organisme ? Non. Alors tu vas avoir une aide par rapport à un organisme et il semblerait que ça peut permettre, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même soit une phase de formation avant de trouver tu vois, un travail ou d'être installé dans un poste de manière stable. Mais ça passera par le biais d'un organisme. Et si tu as l'aide d'une personne, ça peut être par le biais de ton entourage. C'est pas une amie proche de toi, mais ça peut être par le biais d'un entourage. À partir de l'automne 2016, tu vas avoir une ouverture positive et je vois plutôt une clientèle ou un entourage plutôt masculin autour de toi. Donc ce sera peut-être dans un métier où il y a un côté masculin qui est assez prononcé. Ok, ben merci à toi en tout cas. Est-ce que tu as eu jusqu'à présent un métier sur lequel tu as envie de revenir ? Bah moi là-bas je suis aide-soignante, mais j'aimerais bien être éducatrice dans des prisons pour ados. Alors c'est ça, le côté masculin qui doit ressortir, oui. Oui, parce qu'il y a quelque chose d'assez dur, assez macho, et à mon sens, tu peux y arriver, mais ça passera par cette phase de formation où tu vois pour intégrer cette institution-là. Mais c'est possible, hein, parce qu'on m'a dit que je pourrais peut-être du travail pour accompagner des enfants, voir leurs parents en prison. C'est peut-être ça ? Oui. Ça peut se faire en tout. Je le sens bien pour toi. Essaye de persévérer dans ce domaine-là et tu vas avoir une ouverture et tu auras une aide pour arriver à t'intégrer. Merci beaucoup. Eh ben, de rien, Kelly. Plaisir, Kelly. On est là pour ça. Tu nous rappelles quand tu veux, d'accord, Kelly? Ok, merci, bisous Mike. Bisous ma chérie, je te repasse Coralie au standard. Ne raccroche surtout pas Kelly. 02 851 4x0. Venez poser votre question à Alex D. C'était la dernière, Kelly. Moi j'ai une question pour Alex. Alors vas-y Coco. Alors j'aimerais savoir, est-ce que ça vaut la peine que je me remette avec Mike ou pas? il monte son micro. Alex. Mais essaye. En tous les cas, Coralie, ça serait intéressant que tu te remettes à condition qu'il t'offre une bague. Bah ça tombe bien. Mais non. Je ne vous en dis pas plus, ce sera demain dans l'émission. Grosse surprise pour Coralie, Alex. Ah, je n'en dis pas plus. Super. L'annonciation de fiançailles, de mariage? Je ne sais pas, ce sera la surprise, je ne peux pas le dire parce que sinon je vais griller la surprise et tout. On est en train de bosser sur ça depuis au moins 2 jours. Donc si tu veux, j'ai pas envie de mais si jamais c'est ça, il y a de l'espoir quand même, hein, parce que... Non, c'est pas ça. Bah j'espère parce quoi, que... Quoi, tu me dirais non si je te demande en mariage devant tout le monde? Sérieux? Bah on ferait le buzz en tout cas. Il y a des chances. Bon, bah très bien, ok. Alex, bonnes vacances, merci pour cette saison. Merci. Et ce que je voudrais vous dire, oui, c'est que pour moi, je vous revois à l'antenne à partir de septembre, ou fin août, c'est normalement. Et il y aura juste peut-être une modification au niveau de la tranche horaire, mais c'est pas grand-chose. D'accord, très bien. On va se retrouver aux 1h-4h. Génial. Bon Alex, écoute, je touche du bois, j'espère que tu auras raison mon pote. Et en tout cas je te remercie pour cette saison mon Alex. Merci Alex. Je te souhaite plein de bonheur, plein de belles choses pour la suite professionnellement et puis au niveau privé aussi. Alex des coachs de vie, c'est ta page Facebook. Alex, c'est un site se referme la voyance en direct pour cette saison. Bonnes vacances à tous. Bonnes vacances, mon Alex. Merci. Et en studio, l'Espagne, c'est toujours bon. On peut venir toujours en Espagne. Tu m'avais invité la semaine dernière à venir dans ton château. Oui, mais venez tous. Ah ouais, il nous a invité la semaine dernière à venir dans son château en Espagne. Mais on vient, Alex. On se tient au courant sur le Oui, il y a suffisamment de... J'ai 48 chambres de disponibles. Il y a des fantômes et tout dans l'hôtel ou pas? On peut faire... Mais bien sûr, ça reste fantôme, c'est pour ça qu'il faut venir. Ah, je vais pouvoir recroiser mon ex, Casper. C'est cool. J'attends que tu l'envoies. Et tu parles encore de ton ex. Bonnes vacances, Alex. Salut à tous. Salut mon pote, je t'en passe sur Radio Standard, 1h26 du matin. Bonsoir, maître Kevin. Bonsoir les amis. Comment va le talent depuis Paris? Salut MK. Ouais, ça va à la forme. Bon, très bien, maître Kevin, on va jouer avec qui ce soir? C'est Shep Carlouche. C'est ça. Shep Carlouche, le Mat Pokora maghrébin, et qui sera avec nous dans quelques instants pour vous offrir du cadeau sur Fun. Vous jouez en vous inscrivant MIKE plus votre message au 6032, c'est 2€ par message. Kevin, on va faire le loto foot aussi ensemble avec un dernier match à pronostiquer avant de donner les résultats du classement définitif demain, puisque malheureusement on ne peut pas aller jusqu'à la fin de la roue. Donc le classement définitif s'arrête demain. Et je rappelle que le premier, ou la première, puisque Coralie peut encore terminer première, il y a qu'un point d'écart pour l'instant entre tout le monde qui est premier et Coralie dernière. Exact. Choisira la destination de son choix et c'est moi qui offrirai la journée complète. Voilà, vous pouvez y aller avec ou sans moi d'ailleurs, hein, si vous voulez y aller avec une autre personne, etc. Je vous paye tout, il n'y a pas de galère. 1h27 du matin sur Fun Radio, on se fait le son de Willy William, ça c'est tout nouveau. C'est un des sons qu'on a été la première radio à vous jouer. Comme beaucoup de sons dance floor sur Fun Radio, vous l'avez découvert dans Party Fun. Party Fun qui sera d'ailleurs à notre place toute la semaine prochaine dès 20h sur Fun Radio et pendant tout l'été pour ambiancer tout le quartier. Oui, ça me fait pas le cœur au lit. Voici Willy William sur Fun. J'ai Paris. Ma voiture pour un vélo, roulé sur ses rues pavées. Un RDT sur la capitale, on était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélodie. C'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la. Parce que moi je me balade dans Paris. Je me balade dans Paris. Je me balade dans Paris. Paris, Paris. Je me balade dans Paris. Je me balade dans Paris. Je me balade dans Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. En direct sur Fun Radio, 1h33 du matin. Merci de nous avoir choisi, les amis. C'est l'Open Space avec vous, avec toute l'équipe, avec Maître Kevin également, qui est là, mon frérot. Comment ça va, frérot? Ça va, la forme, la forme. Bon, la journée, il a bossé? Oui, mais de chez moi. Ah, il bosse pour TPMP, hein, toujours, avec Julien Courbet, ça, cette semaine? Non, je bosse pas pour les messieurs, mais je bosse pour H2O. Ah, il bosse pour la société projets. De production, carrément. Ouais, ouais. Un monsieur a pris du galon. Oui, enfin du galon, c'est la même paye. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, bah l'arnaque, tu bosses avec un rebeu, frérot. Bah voilà, c'est comme ça, c'est pareil ici, dans l'Open Space. Passez une bonne soirée, tout le monde, 1h33 du matin. Y'a Coco qui décroche le numéro, ma chérie, pour t'appeler. Le 02-851-4x0, et tu ne m'appelles pas ma chérie, s'il te plaît. J'allais dire qu'il y a déjà du voilà. progrès, parce que je t'appelle ma chérie, tu dis rien. Non, d'abord le numéro, parce que priorité aux auditeurs, et ensuite je m'occupe de toi. Mais... et aujourd'hui, je ne m'occupe pas de toi dans le bon sens. Mais putain, vous avez tous décidé de m'en mettre plein la gueule pour pas un rond ce soir. Bah écoute, en même temps c'est ta faute, ça fait quelques jours quand même, tu devrais savoir maintenant. J'ai une lettre pour toi, pour te répondre. Ah oui, c'est vrai, il a... Ah, il y a la lettre de Maître Kevin, effectivement, ce soir, la lettre de la dernière chance, hier c'était Jonathan, il a été re-signé d'office, Zezel aussi l'a fait, il a été re-signé, on va voir si Maître Kevin, eh bien, vous satisfait, puisque c'est chez vous à la maison, c'est vous les auditeurs qui allez décider si Maître Kevin reste avec nous la saison prochaine. J'ai une question, Mike. Tout à l'heure, quand je suis arrivé à la radio, tu m'as dit, tu m'as vraiment fait pleurer hier, pas l'antenne, mais je t'ai donné ma lettre. Tu l'as relu chez toi. Ouais. T'as vraiment pleuré? Ouais, j'avoue. T'es ouais, j'ai versé une larmichette, mais je suis très sensible, moi. Je suis très, très émotif comme garçon. Ça m'a fait plaisir. Ouais. Non, mais c'est vrai. Vito. Est-ce qu'il y a, Maître Kevin? J'ai dit, on l'appelle Vito dans le milieu. Ah ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que je pleure super facilement. C'est vrai que j'ai pleuré. Ouais. J'ai pleuré. J'ai relu ta lettre et j'ai pleuré. M'a beaucoup touché. Voilà. Mais Zezel aussi m'avait quasiment fait pleurer. Hein, donc ouais. On va voir. Quasi. Maître Kevin, ça m'étonnerait. Hein, Maître Kevin, entre Maître Kevin et moi, c'est la testostérone, c'est la virilité, quoi. Bien sûr, ouais, ça sent la couille. Et moi je le fais pleurer, mais j'ai pas besoin de lui écrire de lettre, tu vois. Cassos. T'as qu'à juste la. Cassos, d'où Cassos? C'est toi qui parle d'autres meufs là. Non, mais sérieux? Je crois que c'est une faculté de me faire pleurer sans me écrire de lettre. Tous les membres de cette équipe m'ont fait pleurer sans m'écrire de lettre. Alors arrête de pleurer. Connard de merde, va te faire foutre. Moi je pleure pas, tu sais. Ouais, mais moi je suis une fiotte, ça va, les gars, on se calme. C'est sûr. Il y a Justin Timberlake qui arrive. T'es pas une fiotte, mec. Can't stop the feeling, putain. T'es pas une fiotte, Mike. Ah bon? Ah si, c'est une fiotte. Non. Bah non, mais moi j'assume, je pleure tout le temps, je m'en fous. Ah oui. Ouais. Mais t'es pas une fiotte, c'est une grosse connasse, c'est tout. Ouais, c'est une connasse. Ouais, c'est une connasse. C'est lui l'enfoiré dans l'histoire. Hein. Non, mais ok, très bien, tu sais quoi, j'annule la surprise. Bah annule la surprise, je m'en fous. De toute façon, demain, j'avais prévu une super surprise pour Coralie. Bravo. Mais j'en veux pas de ta surprise. Tu t'en serais souvenu toute ta vie, ma chérie. Ouais, que dalle, tu parles. Et toi aussi d'ailleurs. Ah ouais, putain, moi je l'aurais regretté toute ma vie, c'est la différence. D'ailleurs, c'est une bonne action là que t'as fait. Ah, je pense, bon. Lol. Quoi, Coralie? Tu veux pas appeler le prochain auditeur là au lieu de. Non, parce que c'est d'abord le loto foot après la merde auditive. D'accord, on va faire le loto foot ensemble. Elle le connaît, le conducteur. Hein. Il est même pas sous mes yeux en plus. Quand il s'agit de me contredire, t'inquiète pas, elle est là, frérot. Bon, alors le loto foot. Oui. Rappelons le classement de ce loto foot parce qu'attention, c'est décisif. Il y a plus qu'un match à pronostiquer demain. Et le classement s'arrête demain soir. Ouais. Les amis, celui qui sera en tête de ce classement, vous allez me donner. Parce que, comme on est tous premiers, on va faire quelque chose que je viens d'improviser. Et je crois qu'on est en symbiose parce que j'allais dire un truc. Vous allez me donner le score à la mi-temps. Vous allez dire ça? Ah non, j'allais dire on va donner le score du buteur. Non, le buteur, c'est trop compliqué. Enfin, le score du buteur. On connaît pas tous les joueurs, il faut vraiment analyser. Vous allez me donner le score à la mi-temps et le score à la fin du match. Ok, attends, je note comme ça parce que Organise-toi comme tu le souhaites, Jonathan. Et donc voilà, je rappelle que si vous avez le score à la mi-temps, donc c'est 2 points. Score à la fin du match, c'est 2 points. Et si vous avez le pronostic, donc vous dites la bonne équipe, c'est 1 point. Exactement. Et donc pour l'instant, le premier du loto-foot choisira la journée de son choix. C'est Bibi qui régale et que je paye toute la journée. Donc Zezel, toi, on va au Club Libertin si tu gagnes. Ouais, le cocoon. Jonathan, on va où si tu gagnes? À Disney. Bah non, on y va. Bah oui, parce que d'office j'ai gagné en fait. Donc on y va, ça fait qu'une journée. Mais je voulais aller à Disney, mais je sais pas, on pourrait aller dans mon paradis blanc avec Michel Berger. Ouais, ça me va. Ouais, ça va, très bien. Coralie? Je ne sais pas encore. Bon, très bien. On ira au tribunal pour divorcer. Avec Michel Berger. On n'est pas mariés, je te signale. Ouais, et pour l'instant. Et Maître Kevin, on irait où? Il a réfléchi. Alors moi j'hésite entre soit partir avec ma nana ou alors aller au Pink Paradise sur Paris. Pink Paradise? Ah, ouais, c'est comme dans la chanson de Maître Games, non. Pink Paradise. Mais c'est dans le marais, le Pink Paradise, hein, je crois. Ah ouais? Non, non, non, du tout, du tout. C'est une boîte de striptease à côté des Champs-Elysées, mon ami. Ça me chauffe bien, frérot. Comme tu veux. Ou je te paye. Attends. Je te paye la journée avec ta meuf, ou je vais au Pink Paradise. Ta gueule, toi, t'es plus ma meuf. Tu m'as dit que c'était plus ma copine. Ouais, mais ça, je t'autorise quand même pas dans des clubs de striptease, t'es sérieux? Bah attends, t'as plus d'autorité sur moi. Non, pendant 3 mois, tu fais rien du tout. Allez, l'autofoot en Paris, ensemble, les amis, sur le match du Portugal demain, c'est ça, Jonathan? C'est Pologne-Allemagne. Ah, Pologne-Allemagne, j'étais Pologne, pas du tout sur le bon dos. Je me suis trompé, c'est Pologne-Portugal, excuse-moi. Ah, voilà, je savais bien que le Portugal jouait. Oui, l'Allemagne est déjà qualifiée. Voilà. Pologne-Portugal. Exact. Gros match. Alors, Zezel, tu dis quoi? Pour la mi-temps, là, d'abord. On parie à la mi-temps, là. Alors, à la mi-temps. À la mi-temps, 1-0 pour le Portugal. 1-0 pour le Portugal. En score final, tu dis? Mi-temps. En score final, je dis 2-1 pour le Portugal. Très bien. Maître Kevin. Putain, le mec, il lit dans mes pensées, c'est un délire. Je vais pas dire la même chose parce que sinon, ça changera. Bah, prenez un peu de risque, ouais. Ouais, donc je vais dire 0-0. À la mi-temps 0-0. Et victoire du Portugal 2-0. Non. Ouais, 2-0 allez, victoire du Portugal. La première idée est toujours la bonne. Très bien. Moi Mike. Eh bah tu sais quoi? Je dis 0-0 à la mi-temps. 0-0 à la mi-temps. Attends, Mike. 0-0 et 1-0 pour la Pologne. Et 1-0 pour la Pologne. Je joue la victoire polonaise. Quand Ali? Moi je dis 2-0 pour le Portugal à la mi-temps. Attends, alors 2-0 pour le Portugal à la mi-temps. Tu t'en fous de gagner en fait. Mais... Oh, c'est ça. Ah, j'ai le Portugal a quand même pas trop mal joué non plus. Attends, ils ont quand même fait 3-3 contre la Hongrie, tu vois, c'est pas non plus enfin la Hongrie joue quand même vachement bien donc voilà. Merci. Elle est éliminée quand même la Hongrie. Oui, bah oui, elle s'est fait éliminer contre la Belgique évidemment, mais voilà, elle a quand même bien joué. D'accord. Et le score à la fin du match? Et je dis 3-1 pour le Portugal. 3-1 pour le Portugal. Et Jonathan? Alors moi je dis à la mi-temps Pologne, donc 1-0 pour la Pologne à la mi-temps. Et pour le full time, je dis Portugal gagnant avec 2-1. 2-1 pour le Portugal, très bien. Avec moi qui parie sur la Pologne, ça veut dire que si j'ai le bon résultat, c'est moi qui gagne le tout. Qui gagne, ouais, d'office. Vous voulez pas changer? Non. Bon bah très bien, je passerai une journée tout seul, alors je le sens bien. Je sens bien que je vais terminer premier du loto-foot. Résultat demain, résultat définitif du loto-foot de l'Euro. Demain sur Fun Radio pour la dernière de la saison. Soyez là à partir de 23h, on va voir qui va gagner ce loto-foot. Pour l'instant, on est tous premiers avec 20 points chacun. Coralie est dernière mais avec 19 points. Donc tout est encore jouable. Youhou. Sur ce loto-foot. Ça va se décider demain à l'issue du match Portugal-Pologne. Qui sera numéro 1? Who's the number one? Portugal. Who's the best? Who's bad? Réponse demain dans l'Open Space. À partir de 23h. Passez une bonne soirée tout le monde. Il est 1h40 du matin dans quelques instants. Maître Kevin, nous allons jouer avec Shep Carlouche. On va faire la merde auditive, le clash de la merde auditive après, ouais. Justin Timberlake sur Fun. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. When you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do. But you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon. So keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop. You when you dance. feeling. Libertad. Merci, Open Oli. Space. Are you ready? Une galère? Appelez l'Open Space. Go. 02 851 4x0. Mais soyez bon. Merci Oli de Party Fun que vous retrouverez demain dès 20h sur Fun Radio. Non, vendredi dès 20h avec la nouvelle tuerie d'Alan Walker. Excusez-moi, je me suis endormi. C'était un replay de Party Fun avec Oli tous les week-ends. Eh voilà frérot, tu me clashes, t'imites Libertad, voilà ce que ça donne. Tac tac tac, reparti mon pote. J'ai bossé avec Guillaume Play moi frérot. Bah parle dans le micro. Excuse-moi, tu t'es cru dans Party Fun, parle dans le micro. Parle putain d'enculé de ta race. J'ai enlevé le pied du micro, s'il vous plaît. J'étais en train de démonter le studio. Je sais que la radio est en train de... Et voilà, merci. Alors, il n'y a pas le temps de démonter les studios. Bon, toute l'équipe de l'Open Space est là jusqu'à plus de 2h du matin sur Fun 1h45 en direct avec Maître Kevin, évidemment, qui squatte dans quelques instants. On va se faire le son de Martin Solveig. Là. Tiens, le nouveau, c'est Do It Right qui arrive dans l'Open Space. J'adore cette musique. Le son est lourd. Aussi, ouais. Do It Right, très très lourd. Un son que vous avez découvert avant tout le monde sur Fun Radio. Et puis Slimane, mon petit chouchou aussi. Paname, paname, on arrive. Moi, ma gueule. Et mon sac à dos. Voilà, tout. Paname, paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. Paname, paname, on arrive. Slimane, le gagnant de The Voice. Ça va se faire dans 5 minutes sur Fun Radio. Ouais. Et nous allons jouer avec Shep Carlouche avant de faire le clash de la merde auditive. Il y a Shep Carlouche et Nicolas qui sont avec nous. Moi, je veux bien te chanter un morceau. Ouais, Nicolas. Tu veux chanter une chanson, Nicolas? Ah ouais, ouais, ça me fait. Alors plaisir. Vas-y, quelle chanson veux-tu nous chanter? Je te ferai un petit jeune et con de Fèves. Allez, vas-y. Ok, d'accord, je me lance. Allez, encore, un jour, okay. Se lève. Oh, attends, ouais, si tu commences avant moi, ça n'ira pas. Bah vas-y, chante, putain. Encore un jour se lève sur la planète France. Et j'ai depuis longtemps perdu mes rêves, je connais trop la danse. Comme toujours, il est 8h du soir, j'ai dormi tous les jours. Mais je sais qu'on est quelques milliards à chercher l'amour. Ouais. J'aime beaucoup Nicolas qui sera évidemment en concert à la maison de quartier de Saint-Gilles sur Yvette la semaine prochaine, loupez pas ça. Ouais, à la fête à la saucisse du quartier. Non mais oui. Frérot, tu m'appelles de vie. Tu m'appelles de vie, la fréquence est 98.8 hein, pour nous écouter à vie. Et Nicolas, tu vas jouer face à Maître Kevin et face au Mat Pokora maghrébin Cheb Carlouche que je demande dans les studios. Bonsoir Cheb. Hey, salam alaikum. Salam. La baisse. La baisse alaik et toi, c'est mon safan frérot. Bon, sahaf toulek frérot, ça y est, c'est l'heure de manger là. Sahaf toulek, c'est. Bon ramadan à tous les musulmans, les amis. Ah, je me suis rempli du ventre, on aurait dit, je te jure, votre Maggie du bloc qui est en train de tout dévorer là. Psartek. Bon, alors, Cheb Carlouche, si vous ne le connaissez pas, c'est le Mat Pokora maghrébin. Vous savez que nous, on a Mat Pokora, voilà, qui chante les titres qui déchirent. Et au Maghreb, ils ont Cheb Carlouche qui chante les mêmes titres, mais pour la partie orientale. Comme vous l'entendez, c'est un talent incroyable. Ah, c'est une voix, ce Cheb Carlouche. Nicolas, Cheb Carlouche va. Merci à ce mec de penser à chanter du 16 au 30-44. Cheb Carlouche va te chanter des chansons. Tu dois retrouver le titre ou l'artiste, d'accord? Ok. C'est super simple. Je me concentrerai. Et il faut trouver deux chansons sur trois pour repartir avec du cadeau Fun Radio. Cheb Carlouche, êtes-vous prêt? Je suis prêt depuis que je suis né. Frérot. Merde. Non, je rigole, je oh putain. Bon, fais-moi kiffer Cheb Carlouche, son numéro 1. Alors, tu l'as ou pas? Tu l'as reconnu, Nico? Moi, bien sûr, j'ai reconnu le morceau. Mais j'ai un tas de trucs qui me fait oublier, oublier les noms des morceaux. Et ils sont nom des bois? Donc, je sais, c'est pas, il n'y a pas Let's Dance dessus, c'est... Ouais, t'as bien entendu, t'as des oreilles. T'as pas le nom de l'artiste. Arrête d'essayer de gruger, frérot, ça marchera pas. Il me faut le nom de l'artiste. Shazam, hein. Ou le titre. Ah, j'ai cherché, toi, tu vas voir. Tu l'as pas? Ouais, c'était Lily Wooden de plus. Non, je l'ai pas. Je t'avoue, je l'ai pas. C'est pas grave, Nicolas, il t'en reste encore deux. Il faut absolument que tu trouves les deux prochains sons. Cheb Karlouche, je compte sur vous, allez-y. Alors, attention, le deuxième, j'y tiens des précisions. C'est qu'il n'y a pas les vraies paroles de la musique, mais je vais chanter sur l'air. D'accord, très bien. Donc, essaie de reconnaître l'air. Rien à mon sissouillant. In henna mossy swiyan, and zin in hotto, and zin in hotto, in henna mony swiyan, and henna mony swiyan, and zid in hotto, and zid in hotto swiyan, henna zin in swiyan, henna zin in swiyan, and henna zin in swiyan. Hey! Henna bitin hotti henna. On est pas mal! Tu l'as, Nico? Ben, on va dire que je ne l'ai pas vraiment. mais je vois quel morceau, vers quel morceau ça se tourne. Alors ça t'es pas loin à chaque fois, hein, Nico. Tu l'as pas, il joue... Je peux le trouver, hein. On les joue avec Baila en ce moment. Si tu me laisses 5 minutes et que je fais une recherche, non. On bah, écoute, ce qu'on fait, c'est qu'on te laisse 6 heures et tu donnes la réponse demain chez Evan. Okay, ça va. C'était Deoro, frérot. 5 hours. Ok, c'est pas grave. Il reste le troisième. Il a l'accent. Ouais, il y a le troisième. Mais il est bien. Il est un merde. Non, mais t'es bien là. 5 hours. 5 hours. 5 hours. Hey, you got it. Where is Brian? Brian is in the kitchen. Who's bad? Who is my son? Not Billie Jean. Et voilà ma gueule. It's not my amen. Nicolas. Allez, vas-y. Eh, frérot, tu sais quoi? Je vais faire une exception, ce que je ne fais jamais dans l'émission. Je vais changer les règles du jeu. Okay. Si tu trouves le dernier son, il y a quand même du cadeau fun qui arrive à la maison, ok? Ok, ça va. Alors, attention. Cheb Karlouche. Je me stresse, madame. Allez-y. Aïe, carbasson. Nishwinha. Zobolmouk. Inashwea. Inhondahel. Zuntahan. Zohendid. كين ان حافل ان حال جديد ان هي كوخنون ساخلاتون ايش بنطا كين اخالوف ان اخشون بيب ان خولاك زون خليك زفيدين اخوف ان امارد جي بارتي ان بابك لكسا المال ouais, parce que tu fais un peu peur. Il est parti en Cheb Adolf à la fin. Alors, Nico. Ben, moi, ça ressemblait à un chant arabe. Bah, comme depuis le début, en fait, frérot. Bienvenue, hein. Mais je t'avoue, j'ai pas le... Mais ça ressemblait effectivement à un truc de dire encore quelque chose. Je t'y jure. Mais le problème. La mémoire à court terme. Bon. Quelqu'un l'avait dans l'équipe, Coralie? Non, pas du tout. Tu l'avais pas? Ouais, moi je l'ai. Bob Sinclair, ouais. Ouais. Moi, je prends... Est-ce que je peux avoir Coralie comme joker? Là, trop tard, on a filé les trois bonnes réponses. Il y avait Rachel qui avait la bonne réponse, qui vient nous l'envoyer au 3044. Elle nous dit coucou Bob Sinclair. The beat goes on, Rachel. Bisous, Mike. Bisous, ma Rachel d'amour. Sonnez-moi, s'il vous plaît, c'est Laurie. Mon numéro, c'est toujours 95. Ok, bah très bien, on va te rappeler, Laurie. On va essayer de te rappeler peut-être pour l'émission de ce soir ou celle de demain, au pire. Nicolas. Bon, bah, zéro bonne réponse sur trois, Nicolas. Hein. Je peux rien faire pour toi, mon Nico. C'est perdu, frérot. Ah, ben non, avec zéro, à mon avis, à part si tu triches vraiment beaucoup au niveau des trucs, bah, tu es très bien. Pleurons toujours. Paname, Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. Paname, Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. Paname, Paname, on arrive. Paname, Paname, on arrive. Et mes rêves. Je veux me foutre de tout. Dans les bars, aller boire des coups. Oublier qu'après le périph', la vie est un peu plus triste. Paname, Paname, on arrive. Paname, Paname, on arrive. Paname, Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon Passez une bonne nuit sur Fun. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. Et en direct, 1h56 du matin. Tout va bien avec Maître Kevin, évidemment, dans la soupe là. Coralie qui décroche. Bonjour. Le numéro, ma chérie, pour t'appeler. Le 02-851-4x0 et arrête de m'appeler ma chérie. Merci. Ah, mon amour. Mon amour, non plus. Rien de tout ça là. Mais chouchou. Mais arrête de m'appeler chouchou. Mais quoi? T'es sérieux là? Je t'aime. J'ai hâte de savoir ce que tu vas dire demain pour ma surprise, Coralie. Bon, t'es connecté aussi sur les réseaux sociaux de l'émission et je t'ai pas beaucoup sollicité ce soir sur la page Facebook. Donc je t'en prie, lis-nous quelques messages qui viennent d'arriver. Alors on a un message d'Antoine qui nous dit: Mike et Coralie, retournez ensemble, c'était beaucoup plus beau. Avec un petit bonhomme qui est triste, quoi, qui baisse la tête, et des petites mains qui prient. Ça, c'est vrai qu'il y en a vraiment. Il y a vraiment des gens qui sont tristes pour nous, quoi. C'est fou, hein. Bah ouais, mais Coralie, y en a plein qui m'ont dit: ouais, demain. Ils m'ont envoyé des messages, dit: ouais, demain, enfin, jeudi, s'il te plaît, va dans l'émission de Mike, il a prévu une surprise pour toi et tout. Avec la mode bombe. Ouais. Oli, tu fermes ta gueule, voilà, s'il te plaît. Il y a le programmateur musical qui est là. Je suis BDR. Sans déconner. Voilà, sinon, on a aussi un message de Jérémy qui nous dit: tu peux passer un coucou pour Dylan, Allison et Jérémy. Voilà. Et ben voilà, message passé. Vous continuez de parler avec Coco sur le Facebook de la radio, sur le Facebook de l'émission. C'est Mike Open Space. Il est 1h58 du matin sur Fun Radio. Avant de s'écouter le son de Martin Solveig, Do It White. Tiens, vite fait, Maître Kevin, des nouvelles concernant Inoura Malagré. Ça y est, il a définitivement lâché l'affaire. Puisque je rappelle que Maître Kevin bosse pour TPMP Hanouna. Et que chez Hanouna, il y a Inoura Malagré, la petite blondasse qui a une grande gueule, si vous voyez pas qui c'est. Et mon frérot, et ben il est dessus, il est sur le dossier depuis 2 mois. Ouais. Mais non, mais maintenant c'est bon, on est tous les deux passés à autre chose. On va dire que c'était c'est un fini. Bon roman d'amitié et qui s'est tu. Mais d'accord. Nous restons amis. Un bon contact. Ah, je suis déçu quand même, Maître Kevin. Hein. Ouais, mais après, gros, tu ne sais pas, comme dirait Madonna, we don't know what about tomorrow it is. Exactement, merci beaucoup. Et comme diraient les frérots de la Vega, oh my sweet darling, oh oh oh oh. C'était bien de faire un peu de culture dans cette émission. Allez, on va passer au clash de la merde auditive. On va décoller, on va décoller. Hein. Attention. De la Vega. D'un côté, Jonathan. Ouais. Tu pars ou pas? Je pars. Ah, je parlais du son en fait. Il a sélectionné des sons. De l'autre côté, ma personne. Nous allons nous affronter à base de sons. Un son de merde. De son de merde. Ah là, c'est. J'aurais pu faire votre entrée à l'américaine. Ah, oui, mais. Tu veux qu'on la fasse, frérot? Vas-y. And now, this contest is all about the merde auditive. On my left, featuring 175 pounds, Jonathan! Yes, I'm here. Hey. I'm gonna beat you. And on the other side, from Pekin, Chine, Cambodia. 175 pounds. Mike. Ouais. Merci beaucoup, espèce d'enculé. Oh merde. Très très bon. Mais tu vois, Maître Kevin, tu vois, n'importe qui peut me le dire, ça va me vexer. Maître Kevin, il me dit, ça me fait rire, frérot. C'est ça qu'on reconnaît le talent. Bon, alors Jonathan, on va s'improviser, oui. Sur quel thème? On va s'improviser sur le thème de S'affronter. S'affronter sur le thème de quand il fait une journée de merde et qu'il pleut et qu'on n'en peut plus de ce temps de merde. Eh ben, on écoute une musique, ça nous donne la pêche. Mais franchement, si tes potes les écoutaient, bah tu pars dans ta chambre et tu pleures. D'accord, ok, voilà. Très bien. Eh bien, je vais commencer avec tiens, je vais te passer tiens, celui-ci. Ah, pourquoi il va pas partir, ce con? Ah oui, attends, j'ai un problème de machine. J'ai un problème de machine. Alors non, je fais ça, ensuite je fais ça, et ensuite je te passe le son. Il y avait un drapeau américain. C'est Jérôme, les gars. Et ça donne la pêche, hein? Bah ouais, ça me donne la pêche, moi. Donc t'es en déprime, t'écoutes ça? Ouais. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Et toi, Jonathan? Allez, passe-moi le son 2. Le son 2, je... Ouais, le son 2. Ah, très bien. Cette soirée, c'est pour toi et moi. Toi et moi. Faut que ça se lave, ne me déçois pas. C'est qui? Bah, tragédie. Ah. Balance. Ouais, c'est l'inverse. Pas mal. Vous donnez le point à qui, Zezel? Mike. Bah, merci, frérot. À toi, Mike. Merci, ma chérie. Bande de suceuses. Kevin? Ah non, moi c'est pour Joe et dédicace à René là, d'ailleurs, qui kiffait. D'accord, chiant. Je vais pas faire voter Oli, sinon il va nous mettre dans la merde au niveau des scores. Voilà. Je prends donc le point. Jonathan? Oui. Tu me réponds avec quelle musique? Je te réponds avec le son numéro 4. Ah. Le son numéro 4. Ah, ça met la pêche. Générique de Motus. Il est loin devant. TPTPLM. Mais t'as pas pris le meilleur, hein. Mais j'en ai d'autres, hein, Kevin. Et attention, Kate, moi je te réponds. Un peu plus dans le centre. Je te réponds. Motus. Avec ça. Je te réponds avec le son. Attends, je vais sélectionner un son. Non, pas celui-là. Attends. Tiens, celui-ci. Mais pourquoi il veut pas partir, ce connard? Attends. Bah, il veut pas partir, mon son. Mais qu'est-ce qui se passe, putain? On me sabote. Jusqu'à la fin de la saison, j'aurais eu des problèmes techniques dans cette émission. Voilà. Ah, pas mal. Ah, pas mal. Notre amour, j'aurais pu se retourner, ne pas regretter. Partir sur une autre radio en septembre. Ouh. Alors, le point à qui, Zezel? À toi, Mike. Non, merci, frérot. Effacer notre amour pour toi. Oh, allez, maître Kevin. T'es suceuse. Alors, rien parce que je connais la chorégraphie par cœur, c'est pour toi, Mike. Il est pour toi, ce genre. Ah, 2-0 pour moi. Je le sens très bien. Encore ce clash. Mené, mais c'est pas possible. Jonathan, tu veux quel son? Je veux le son numéro 1. Il me donne la pêche, mais c'est de la merde et je pleure à chaque fois que mes potes le sachent. Ton corps, baby. Pas mal. Une femme like you. J'avoue, on est bien. Le son est pas mal. Ah, le son est dard. Attends, je vais te répondre. Donc, il faut un son qui te remonte le moral quand il pleut. Mais si tes potes apprennent que tu l'écoutes, t'as envie de te suicider, c'est ça? T'as envie de retourner dans ta chambre et tu pleures, quoi. Ah, tiens, t'es au bout du rouleau. J'ai le son qu'il faut. Je mets le doigt devant. Je mets le doigt derrière. Je mets le doigt devant. Ah, petit kiffe, ouais. Tour. Je savais que t'avais kiffé Jonathan, le doigt derrière, ça c'était sûr. Maître Kevin, le son, le point pour qui? Alors pour toi, mais tu sais que cette chanson, je savais. C'est un truc les deux, mais c'est un truc de pervers. On avait quel âge quand elle est sortie? La danse d'Hélène. Mais oui, on avait quoi? On avait 5 ans, 6 ouais, ans. Moi j'en ai un peu moins. Ouais. Même pas, je mets le doigt. Ah non, mais c'est dégueulasse quoi. Zezel. Ouais, il est pour toi. Hein, le point pour toi, moi, hein. Coralie. Le pour toi, le parce que dans toutes les soirées à Warem, elle passe. Allez, la la, la la, la la, la la. Jonathan, le dernier son. Allez, moi je te mets le numéro 5. Forcément. La la la la la. Emmène-moi. I know you wanna give it up. There's no easy way to see. J'avais le même, mais heureusement j'en ai un dernier. Ah ouais, on est en symbiose. Alan Théo. Ah merde. Heureusement j'en avais un en plus. Bah, moi aussi. Au soleil. M'exposer un peu plus haut. Et j'ai un programmateur musical en face de moi qui s'arrache les veux. Je me décompose. Soleil. On va passer 10 secondes de plus rien que pour le faire chier. M'exposer un peu plus au soleil. Le cœur est plus brûlant. Au BDR. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors le point, vous le donnez à qui, Zezel? Ah, je le donne à Jones. Jonathan. Ah, t'as vu comme j'ai chanté ou quoi? Donc là, moi. Bah, très bien. Et maître Kevin, vous allez nous départager. Emmène-moi. Très bien, ça fait quand même 3-1 pour moi. C'est gagné. Oh non, je voulais à 3 la dernière. Et je t'ai battu encore une fois, Jonathan. Oh, t'es le meilleur. À ce clash de la merde auditive. Tu voulais à la 3? Ouais, je voulais à la 3. Okay. Juste pour le kiff. Non, toi, Nabi Nabida. Oh putain. Je suis fou de toi, Nabi Nabida. Comme toi, Nabi Nabila. Je l'ai vu le week-end dernier en plus. Nabi Nabida. Ah, tu l'as vu à la salle de sport, Nabila, maître Kevin? Non, pas Nabila, mais Sofiane. Ah oui, Sofiane, celui qui chante ça. Ouais. Tu es trop sympa, Nabila Nouna. Pour toi, c'est le sympa. Ah, je me rappelle, c'est cette chanson-là que je me rappelle, Kevin. Bon, très bien, bah, clash de la merde auditif qui reviendra l'année prochaine. On en fera peut-être un demain pour la dernière. Non, allez. non, s'il te plaît. Pourquoi Oli, Oli, programmateur musical qui intervient dans l'émission sans moi, prévenir. Je suis là, oui, j'arrive dans le studio, j'ai pas de casque et je vous entends. Oui. Mais c'est horrible. C'est juste horrible. Oli? Non, je dois subir ça. Oli? Oui. Soleil, m'exposer un peu plus au soleil. Tu vas avoir le temps là, hein, pendant quelques mois. Je vais avoir le temps pendant quelques mois. De t'exposer au soleil, ouais. T'inquiète pas, je vais y aller au soleil. Jonathan, on va au soleil? Ah oui, pour les mojitos. Coralie, on va au soleil? Ouais. Allez, c'est parti. Maître Kevin, il vient avec moi, Zezel aussi? Bah oui, bien sûr. J'ai pas trop allez. Besoin d'aller au soleil, moi. Allez, je vous emmène aussi. Tous. Ça va, je viens, c'est bon, tu m'as convaincu. Je vous emmène tous. Tu viens avec nous au soleil aussi, mon Oli. Écris une lettre pour Mike alors. Hein. Est-ce que tu sais faire le cri du. Libertad? Non, grin. Tu fais bien la panthère, j'aime beaucoup. 2h06 du matin sur Fun Radio. Tout va bien. Dans quelques instants, JT déjanté les titres à la une de l'actualité demain, juste avant de se quitter. Et Martin Solveig, c'est ce qu'on écoute tout de suite. Tout nouveau son. On a été la première radio dans toute la Belgique à vous jouer ce son-là. Voici Do It Right dans l'Open Space. appelez l'Open Space. Go 02 851 4x0. Mais soyez bons. Passez une bonne nuit sur Fun Radio 2h09. Elle est bien cette musique. J'en profite parce qu'à partir de demain, on l'entend plus. À partir de demain soir, ouais. On finit à quelle heure d'ailleurs ? C'est moi qui fais. Ah oui, demain ! Demain, dernière de la saison, les amis. Et Maître Kevin, je vous préviens tout de suite, demain, il réserve cette nuit. Demain, on est là jusqu'à 3h, 3h30, 4h. Ouh, peut-être un peu plus. Minimum, hein. Ouais, ouais, non, 3h, 3h30, 4h. Demain, les amis. Qu'est-ce qu'il y a au lit, le programmateur ? Tu me fais pas de la musique, s'il te plaît. Non, mais j'ai eu l'accord d'Evan, le patron. Ah bon ? Ouais, il m'a dit c'est bon, c'était bon. Il m'a dit c'est bon, ma petite rondelle, tu peux y aller. D'accord. Donc voilà, frérot. Demain, voilà, dernière de la saison. Et demain, on vous prévoit des trucs de ouf dans l'émission. Je prévois une grosse surprise à Coralie, notamment. Ce sera, demain, bon, milieu d'émission, demain, vers un petit peu après minuit, je pense, Coralie, que je te ferai ta surprise. Si je suis là. Ah, tu seras là. Bah, j'espère rien, parce que je vais mettre des tutos dedans, Coralie. Hein. Ah ouais, toi, tu vas dépenser de l'argent. Bah, je vais dépenser de l'argent pour toi, Coralie. Ah ouais. Donc j'espère que tu seras là, ma chérie. Tu m'appelles pas ma chérie. Et on verra. Bon, allez, voici les titres à la une de l'actu. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, j'allais dire, Mike, de toute façon, demain c'est la réunion des anciens. Donc d'office, Coralie sera là vu que c'est ton ex. Donc, Ouais, c'est vrai, demain il y aura plein d'anciens qui vont venir dans l'open space. Il y aura Sacha, il y aura Entep qui va revenir. Il y a Amandine, ouais, il y a Eric. Ah bah justement, je ne serai pas là. Amandine, je ne serai pas là. Mon ex également. Elle est trop bonne, Amandine. Pourquoi t'es pas restée avec elle, Mike ? Bah, parce qu'en fait, elle m'a trompé. Enfin bon, c'est une longue histoire. Attends, ton ex, mais on est ensemble depuis septembre, Mike. C'est ce que je dis, c'est une longue histoire. 2h11 sur Fun Radio, voici les titres à la une de l'actualité demain. Voici le JT déjanté. Transformation Mike Morello, fils caché de notre ami Carlo. Hello Zezel, hello Maître Kevin, hello Coralie. Hello Gonathan. Hello à tous. La vérité. Et oui, si Mario était un plombier, un vrai plombier, juste après avoir libéré la princesse Peach, il lui facturerait sûrement 80€ pour le déplacement. Accident de la route. Oui, il est conseillé aux vieilles dames qui traversent la route de mettre un gros blouson noir épais. Ça abîme moins les voitures en fait. Logique. Si ça se trouve, Garou ne sait même pas comment on fait pour se racler la gorge. Quelle arnaque ces clubs échangistes. Et oui, malgré toutes mes tentatives, je rentre toujours avec ma meuf. Sauf Zezel. Allez les diables rouges. Allez. Bravo Coralie, tu viens d'inventer les paroles des deux prochains albums des Magic System. Si on gratte un bouton, il va grossir et va se voir de plus en plus. Ah ouais? Tu veux pas me gratter la top? Si la connerie était de l'essence, ce serait l'émission la plus utile du monde. Mike Open Space, avec Jonathan, jusqu'à 2h sur Fun Radio. 2h12 sur Fun Radio, on sent que le programmateur musical est dans les studios, on termine à peu près à l'heure ce soir. Je vous fais plein de gros bisous les amis, on va se retrouver demain soir, dès 23h pour la dernière de l'année. La dernière de la saison, en tout cas de cette saison 2015-2016. Une saison qui aura été magique quoi qu'il arrive, et quoi qu'il arrive, on terminera en beauté les amis, on terminera avec des barres de rire, avec le mot Libertad qui sera au centre de l'émission comme chaque soir avec vous tous et vous tout en direct, avec plein de cadeaux encore demain soir sur Fun. Demain dès 6h du mat, il y a Evan et la tribu qui sera là pour vous réveiller entre 6 et 9. Evan et la tribu avec plein de cadeaux, c'est l'avant-dernière pour de la saison, direct du club Bellambra dès 17h, la belle Audrey. Et nous on sera de retour après Vince à partir de 23h. Bisous Coralie. Au revoir. À demain pour ta surprise. À demain parce que je suis forcée d'être à la radio, mais pour la surprise on n'y est pas encore. Bon, allez, à demain. Avec plaisir, on ira boire un verre hein, plus tard. Avec plaisir, Oli. Bah, tu t'es demandé au cimetière d'Ixelles, on a toujours pas été. Ah oui, là, c'est vrai ça. Voilà. Bah tu vas m'enterrer voilà. vu que j'aurai plus de radio. Donc voilà, on m'emmène au cimetière d'Ixelles, frérot. On te retrouvera quelque part. Ah, on retrouvera quelque internet. Part. Vous tapez Mike Open Space. Sur internet. Je serai sur Parasite Radio très vite. Bon, Jonathan, à demain aussi, 23h pour la pieds. Dernière. Voilà, cassos. Oh, ça, c'est drôle, ça. Plein de bisous, la famille. Sachez-le, on ne vous lâche pas et on continuera d'être avec vous. Tant qu'on nous donnera la possibilité, dès que chaque soir sur Fun Radio, entre 23h et 2h, l'aventure ne fait. La merde, hein. Tu me laisses finir. Ah, pardon. Tu me laisses finir. L'aventure ne fait que commencer. À demain, et ça, 23h. Libertad. Libertad! Mike Open Space revient demain dès 23h pour retourner le pays sur Fun Radio. Mike Open Space. Mike Open Space le soir sur Fun Radio. Bonne nuit, la Belgique. très haut. Fais-moi rêver, tous mélangés, unis on est trop beaux. Fais-moi rêver, les bras levés, unis on va très haut. Fais-moi rêver, tous mélangés, unis on est trop beaux. J'ai vu des gens tendre les bras et leurs deux doigts levés, leur majeur et leur index toujours en forme de V. J'ai donc demandé ce que ce symbole pouvait signifier. Eh bien personne ou grand personne n'a pu me l'expliquer. Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait? Qu'est-ce que j'en sais moi? Qu'est-ce que j'en sais moi? Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait? Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait? Je me suis dit que c'était la même, parce qu'il fallait me faire une idée. On m'a traité de pessimiste avec des mots à me suicider. Et j'ai insisté, et encore j'insisterai. Mais apparemment, selon les grands, c'est long à exprimer. Ça prendra le temps qu'il faudra le temps, mais finalement je le saurai. Dans 5 ans, ou 10 ans, ou 20 ans, mais j'espère avant de crever. Qu'est-ce que j'en sais moi? Qu'est-ce que j'en sais moi? De violence, quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait. Serait-ce un signe de paix ou bien le fait de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait. Peace and violence. Peace and violence. Peace and violence. bagages en soute et dans ma poche pas un sou, juste la famille entre eux. Ne me parle pas de nostalgie, parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. Oui, mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route, elle est trop longue, pas le temps de faire une pause. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou. Connais ses alliés sous des forts et fiers pour vous, c'est chin chin santé. Bang bang, j'oublie pas les feintes, les abandonnés de la cause au piso, cause à te mener plus loin, mais tourner le bon. Non merci sans façon, c'est la fin de la longue épiso, qu'on casse les coques, pour que je te démoule. Bang bang, j'ai mes blessures, j'ai mes dossiers, t'as rien dans les mains, j'assume, t'es dégoûté. Tous les grands sont des oufs à enfermer, le monde particulier. na muna calme, calme na muna veni, veni na muna content, content na muna sauté, sauté na muna eh, sauté na muna eh, sauté na muna eh, sauté na muna eh.